Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 49. Cette semaine, c'est Noël, et toute notre équipe vous souhaite, bien évidemment, un joyeux Noël. Nous espérons que vous passerez de bonnes fêtes en famille, et je me permets de convoquer pour les fêtes de la Nativité, l'esprit, bien sûr, du Christ, mais aussi l'esprit d'Adolf Hitler, pour vous et votre famille. Donc voilà, je pense qu'on va commencer comme ça l'émission. Sans transition aucune, je procède au rappel coutumier. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email à démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Je présente tout de suite les membres de notre émission cette semaine. Ils sont connus et reconnus. Pierrot, comment vas-tu? Oui, bonjour Gandalf, bonjour à tous. Donc moi aussi, hein, je me permets de souhaiter à tous un joyeux Noël. Normalement, l'émission sortira le 24 ou le 25. Hein. Oh, bah, et bah, écoutez, mes prières vous accompagnent pour ceux qui croient en Dieu. L'émission arrive dans la hotte du Père Noël. Voilà, donc bah, effectivement, donc, avec l'esprit du Christ, bien sûr, et l'esprit d'Adolf Hitler, dans cet ordre. Voilà. Dans cet ordre. MacDav nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut MacDav. Salut à tous les amis. Alors pour Noël, une petite bière de Noël ou... oh, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Alors bon. Fulbert, salut Fulbert. Fulbert. Ah, Hitler, Fulbert. Bonjour Gandalf, et bonjour à tous. Heil Hitler, Fulbert. Heil Hitler. Derek nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Fulgurant Derek, cardinal, bien sûr, de l'église de négrologie et également titulaire de la désormais très connue et très reconnue chaire de... Ah non, c'est la négrolatrie. Oh, je confonds. Je suis impardonnable. Oui, oui, oui. Impardonnable. La chaire de négrologie et le cardinal de l'église de négrologie. Ben, ça tombe très bien, nous allons parler très extensivement aujourd'hui des nègres. Comment allez-vous, cher Derek? Ah, bah écoute, ça va, mais puisque nous parlons des nègres, oui, mais avant quand même, tu as convoqué l'esprit d'Adolf Hitler pour Noël. Oui. J'espère que notre ami Adolf pensera à Tristan Mendes, pour lui apporter... du réconfort pendant ces fêtes. Alors, je pense que je ne vais pas dire nos amis, mais que ce peuple... meilleurs amis. Que ce peuple ne vit pas particulièrement bien les fêtes, comment dirais-je, de la nativité du Christ. Non. Donc, oui. Bah, ils ont du sang sur les mains par rapport à cette histoire. Hein. Oui. Et j'ai vu d'ailleurs que ces terroristes mettent partout maintenant des campagnes d'affichage, mais de manière délibérée, pour Hanouka, lors des fêtes de la nativité. C'est véritablement, on reconnaît là la perversion orientale dans ce qu'elle a de plus pur, donc chez, comment dirais-je, cet organisme. C'est vraiment terrifiant, je veux dire, partout. Et j'ai reçu des photos de lecteurs hein, ou d'auditeurs qui disent, regardez chez moi, regardez ce qui se passe. C'est des affichages énormes, considérables, hein, par la taille, où vous avez ces espèces de chandeliers affreux placardés partout pour polluer l'espace visuel des Français. Lors de ce moment qui est un moment particulier de l'année. Scandaleux quand même, scandaleux, ce qui me permet de dire et de redire que il y a des gens en trop en France. Oui, oui. Oui. Pas qu'en France d'ailleurs. Pas qu'en France. Il y a des gens qui sont dispensables. Tout à fait, voilà. Donc justement, ça fait raccord, donc c'est pour ça aussi que ces fêtes de la nativité doivent être des fêtes qui se placent sous le signe de l'esprit d'Adolf Hitler. Alors, messieurs, les dons, et nos auditeurs et nos lecteurs peuvent nous faire des dons chaque semaine, enfin, quand ils veulent, hein, grâce à Monero, crypto-monnaie qui garantit l'anonymat de nos mécènes. Il y a un guide explicatif, comme vous le savez, sur le site à droite, très à droite sur le site. Et nous avons donc très régulièrement des dons, je le vois, d'autres le voient aussi, et ça nous fait toujours beaucoup de plaisir, ça nous encourage. Un donateur a voulu se manifester, comme vous le savez, c'est la tradition, les donateurs qui veulent pouvoir nous dire qu'ils nous ont fait un don ont leur message lu à l'antenne. « Chère équipe de DP, vous n'avez certainement pas besoin d'encens ni de myrrhe. Vous avez besoin d'or, et je vous envoie un don de Noël de 50 euros. Merci. Chaque début de mois, je donne avec plaisir et fierté 25 euros à Démocratie Participative. Je sais que je ne perds pas mon argent dans une rédaction de droite réactionnaire en juivet, à la Golnadel ou à la Eugénie Bastier. Je sais que je ne dilapide pas mon argent dans un papier amateur qui joue avec des croix gammées pour passer le temps sur Internet. Je sais au contraire que j'alimente une machine de guerre qui n'oublie aucun de nos ennemis, à nous, à rien. Joyeux Noël et courage dans le combat, le raciste jovial. Alors merci beaucoup, raciste jovial, et merci pour tes dons réguliers, et j'en profite aussi pour dire merci à tous ceux qui nous soutiennent très régulièrement. Hein. Vraiment, hein. C'est très apprécié, très apprécié. Alors bon, c'est vrai qu'on a eu les honneurs de CNN. Je ne sais pas si vous savez. Oui, oui, oui. Nous sommes remarqués, voyez-vous, à New York et Los Angeles. Le ministre de l'Intérieur aussi a parlé de nous, du coup, oui. À CNN. Hein. Oui, oui. Blanche Europe aussi, il faut quand même être... hein, ouais. Le site aussi Blanche Europe a été mentionné. Un amical salut à l'équipe de Blanche Europe qui fait aussi le travail, hein, qui essaye de faire avancer les lignes. C'est très positif, c'est très bien tout ça, c'est très bien. Vous avez regardé le reportage ? Bien sûr, bien sûr. C'était Noël avant l'heure. Hein. C'était que de guirlandes visuelles. Hein. Que de guirlandes. Oh là là, oui. Des espèces de rabbins. Ils disent, oui, mais quand la haine commence avec les Juifs, elle ne s'arrête jamais aux Juifs. Elle va ailleurs. Hein. C'est... On se serait cru dans le making-of de la liste de Schindler. C'était assez... Alors, j'allais te dire, on se serait cru dans une synagogue, mais effectivement, c'était filmé dans une synagogue. Oui, oui, bah, c'était dans une synagogue. Enfin, de Strasbourg, hein, oui, je crois. Hein. Bon, voilà. Bah, ouais, c'était. Ouais. Moi, je trouvais ça très exotique. En fait, tu as des rabbins français interrogés par une juive de New York. tout ça en anglais, c'était très, très marrant. J'ai trouvé ça. Alors, tu as dit exotique, rabbin. Rabbin. Ah. Bon, rabbin, peut-être, non, mais rabbin. Mon oreille me joue des tours. Non, mais c'était. Ils avaient un accent tout à fait commun, hein. C'est étrange. Hein. C'était un petit peu un documentaire, documentaire animalier, j'ai trouvé. Mmh. Ouais, bah, plutôt alors, ethnologique. Oui, précisons et reprécisons, nous n'appelons pas à dégrader des cimetières. Bon, c'est bien entendu. Oui. Parce qu'il y a eu une tentative odieuse, oui. Hein, de la part de ces cimetières. Ah, bah oui, non, mais les juifs calomnient, tiens donc. Nous n'appelons pas les rabbins à dégrader leur propre tombe. Hein. Exactement. Voilà. Arrêtez, pour l'amour de Dieu. Les rabbins, arrêtez de dégrader vos propres tombes, hein. Et alors, de grâce, arrêtez d'accuser les goïms d'être responsables de vos turpitudes. Oui, et surtout, bon, arrêtez d'accuser les gens qui disent que c'est vous, de se réjouir que des gens aient tagué des tombes. Oui, non, mais c'est... Voilà, bon. Et je crois que le going se doute de quelque chose. Oui. Les faits Bah, disons Carpentras que n'a quand pas tu as eu un nez lieu. qui dépasse d'une cagoule, c'est suspect. Ou disons, quand tu tags et que par inadvertance ton nez dépasse et que ça laisse une trace sur le tag, tu vois, ça, la forme crochue. Effectivement, il y a des doutes qui commencent à apparaître. Enfin bon, nous avons donc eu les hommages de CNN, entre autres médias. Hein. Alors, messieurs, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Le courrier de la semaine, messieurs, courrier des lecteurs. Bonjour à toute l'équipe, j'espère que vous avez la forme et que vous vous portez bien. Après la demande de notre cher Gandalf d'une cartographie raciale de la ville de Paris, je me suis dit que faire une carte et un guide de la ville où j'habite depuis ma naissance, celle de Grenoble, serait une bonne idée, d'autant plus qu'avec plus de 200 000 habitants et un pôle étudiant très développé, la carte pourrait s'avérer utile à nos chers démocrates participatifs qui vivent ou qui comptent vivre à Grenoble ou dans son agglomération. Une ville de tous les records en termes de nègrerie, de chimpanzerie en tout genre, ce guide peut vraiment vous sauver la vie, alors installez-vous et suivez le guide. Pour faciliter la compréhension, j'ai divisé le tout en 5 zones, chacune représentée par une couleur, dont voici la description. C'est une très bonne méthodologie. Il s'agit de la retranscription de ce qui est écrit sur l'image. Voilà, donc c'est une commande. Zone verte. Village et hameau très tranquille. Il y est peu commun d'y croiser un arabe et encore moins un noir. Cependant, le risque zéro n'existe pas. Alors tenez-vous à distance des zones industrielles, des collèges et lycées et des quelques rares logements sociaux. Aucun millimètre carré de Grenoble ville ne correspond malheureusement à sa description. Il faut obligatoirement s'en éloigner d'au moins 5 km pour commencer à voir les premières zones vertes, avec notamment tout ce qui dépasse à l'est de la ville de Meylan, tout ce qui se trouve au nord de Saint-Égrève, le Vercors tout entier, ainsi que les villages dans les montagnes de Beldon tel Curiage, et encore une fois à l'exception de Vif, où, pour la petite anecdote, des quantités astronomiques d'excréments avaient été retrouvées dans l'eau potable il y a quelques années. Charmant. Zone jaune. La prudence est de mise. L'infestation est encore modérée, des quartiers relativement safe, mais au long terme, je ne vous conseille pas d'y investir dans un pavillon. La peuplade marron est bien présente, mais les désagréments sont moindres comparés aux zones suivantes, donc restez vigilants. Cela concerne tous les villages à l'ouest de Grenoble, Poisat et Ebens au sud, ainsi que Saint-Égrève au nord et la longue bande qui borde Beldon jusqu'à Villars-Bonneau. Zone orange. La moyenne grenobloise, des quartiers mal entretenus et un taux migratoire élevé. L'odeur du kebab vous réveillera à peu près tous les matins. Les Fatimas en burqa et les groupes de nègres déambulant dans les rues sont légion, mais la zone est encore tolérable à vivre sans trop de problèmes. Ayez juste une porte blindée chez vous et ne laissez rien traîner dans votre voiture. Tout le centre-ville de Grenoble est concerné, ainsi que le quartier universitaire et la partie est de Saint-Martin-d'Air. Les parties pavillonnaires des Chirolles au sud sont également à éviter. Faites également attention au quartier centre de Cessin, Cessinet et Fontaine, où la qualité des habitations peut induire en erreur n'importe quelle personne étrangère à la ville. Zone rouge. Vigilance maximale. Dans ces véritables poubelles raciales, sortir seul après le coucher du soleil y est suicidaire. De même que d'y garer une voiture dont le prix dépasse les 10 000 euros. À éviter le plus possible. Et quand obligé, restez loin des habitations et préférez les rues commerçantes. Apprenez par cœur le nom des quartiers que je vais citer à partir de maintenant. Cela pourrait vous sauver de bien des situations. À l'ouest du centre-ville, les quartiers de Chaurier et des Eaux-Claires, accolés à la gare. Si vous arrivez en train à Grenoble, prévoyez un moyen de transport autre que la marche à pied. Le babouin local y court bien plus vite que vous et saura vous détrousser de tous vos effets personnels avant que vous ayez pu prononcer le mot « banane ». Attention également au quartier de la Bajatière, au sud du centre-ville, et au centre des Chirolles, où beaucoup d'événements simiesques s'y déroulent en toutes occasions. De toute façon, vous verrez que vous n'irez à Échirolles que pour le bowling ou le cinéma. J'ai pour ma part vécu en zone rouge très longtemps, je ne dirai pas laquelle. Donc j'insiste vraiment pour que vous évitiez de marcher dans la même rue qu'un groupe de singes échappés du HLM, car ceux-là sont bien, bien pires que les espèces parisiennes. Donc, avertissement, il se pourrait que les babouins grenoblois soient pires que les macaques parisiens. C'est en tout cas l'assertion de notre auditeur. Zone noire. Territoire de l'État islamique. Ne traversez ces quartiers de la mort qu'en voiture et à grande vitesse. Les attaques au couteau contre des passants et les fusillades entre gangs y sont quasi quotidiennes. Y habiter est hors de question pour la raison simple que votre espérance de vie sera très probablement divisée par 10. Les trois grands noms à retenir. Mistral. Tesserre. Comme le sirop, dit-il. Hein, quoi, voilà, Tesserre comme le sirop. Et Capuche. De véritables califats en puissance où il ne fait vraiment pas bon être blanc. Je demande d'ailleurs à Derek si par le plus grand des hasards, il n'aurait pas déjà implanté des églises de négrolatrie dans la région, car le public y est nombreux et le public y est nègre. Et seul bon point de Grenoble, ce véritable phare des montagnes alpines, la communauté juive et LGBT y sont presque complètement absentes. Ah. La mafia italienne est présente à Grenoble. Les restaurants sur les quais sont à 80% possédés par des italo-grenoblois afin de blanchir l'argent. Mais en général, ils ne devraient pas poser de problème aux citoyens lambda. Voilà, c'est à peu près tout. J'en profite pour demander à nos voisins participatifs lyonnais de s'atteler à la création d'une cartographie raciale de Lyon et de ses alentours. Bon, ça a bien progressé déjà. Car la région Rhône-Alpes ne possède pas que Grenoble en termes de joyaux multiculturels et cosmopolitiquement corrects. Ne désespérez pas, mes chers camarades blancs. Nous traversons une période difficile, mais j'ai bon espoir qu'un jour nous verrons en France le véritable triomphe de la volonté. Et ces sales juifs, ces sales youpins ne pourront plus contenir la rage occidentale très longtemps. Hitler n'a vraiment rien fait de mal. Salutations participatives, et c'est BX qui nous écrit. Merci BX, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Mes amis, chers participants, je connaissais les Italo-Grenoblois. J'étais familier de ça. Mais ouais, il s'est passé des choses entre temps. C'est ça, ouais. Grenoble, c'était ça, pendant plusieurs décennies, depuis plusieurs décennies, c'était le siège de la mafia italienne. Ouais. C'est les Calabres qui sont là-bas. Ouais, bon, déjà, pour situer un peu, c'est vraiment la montagne, faut comprendre. C'est pour ceux qui ne sont pas du coin, c'est la montagne. Très belles montagnes. Bah, de toute manière, oui, la montagne... C'est un drame, hein, je veux dire, c'est un drame d'avoir une ville qui est aussi magnifiquement située, d'être gouvernée par un écolo-communiste enragé qui livre la ville à la pire vermine. C'est pas commencé avec lui, mais... Oh, ça n'a pas commencé avec lui, hein, parce que, bon, les Italiens, hein, c'est pas non plus un cadeau. Lesquels, quoi, hein. C'est pas des Piémontais qui sont venus... Ils sont venus à Grenoble, là, c'est le sud du sud du sud. Hein. Mmh. Donc, mafiosi aussi. Hein, quoi. Bah oui, c'est des mafieux. Donc, alors c'est pas étonnant que là, notre ami nous dise que les métèques qui arrivent derrière soient plus violents que les macaques, que les babouins d'Île-de-France, par exemple. Mmh. Puisque bah, pour se faire une place, ils ont dû se... Oui. Tricoté, on va dire, avec les mafieux déjà en place. Donc ils sont, qui a une tradition par exemple de la lame. Hein. On sait qu'il y a une grande tradition du couteau. À Grenoble, il y a beaucoup de couteaux fous, souvent. Donc ça vient avec, bon, tu as effectivement une tradition islamique, mais la tradition islamique qui rencontre un certain terroir déjà en place. Calabrais. C'est transcendant. Tu veux dire qu'il y a une espèce d'émulation, c'est ça que tu veux dire? Oui, une synergie. Ouais. Une synergie. Donc, très bonne méthodologie. Hein, l'histoire des couleurs, ça me parle beaucoup, ça. Ouais, c'est bien. Du vert au noir. Il faudrait la publier parce que là, bon, on entend les Oui. noms, mais moi qui n'ai jamais trop mis les pieds là-dedans, je sais pas, enfin, je ne me rends pas compte. Ce serait bien de mettre la carte sur le site, je pense. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais il précise bien, hein, quand vous arrivez à Grenoble, bah, par la gare, évitez de cheminer à pied. Oui, éviter d'aller à Grenoble, tout simplement. Hein, ouais, bon. Je regardais Des coins plus beaux dans les Alpes. un reportage, c'est sur les Jeux Olympiques. Tu sais. Ah C'était oui. en quelle année les Jeux Olympiques d'hiver? 92. Non, En non, dernier, donc c'est 92. Chamonix, c'était ceux d'avant. Ah bon. C'était les années 60, je crois. Et ils avaient modernisé vraiment la ville à cette époque-là, quoi. Ils avaient fait des travaux, des investissements considérables. Bon, la France économiquement se portait très bien. Enfin, c'était les années 60. Et donc, on voyait vraiment les très grands travaux sur la ville, le village olympique, etc. Si je ne m'abuse, quoi. Et ouais, c'était intéressant. Qui veut réagir sur le coup de notre auditeur? Alors donc, les Jeux Olympiques, c'était en 68 à Grenoble. Et à cette occasion-là, la ville avait été complètement modernisée. Avec de très grands travaux, voilà. Et aujourd'hui, elle est entre les mains donc de ce maire dont j'ai totalement oublié le nom, mais un écolo-marxiste complètement enragé. Voilà. C'est la ville où, vous savez, il y a eu ce jeune là, Adrien, qui a été assassiné à coups de couteau par un bougnoule. Il y a un an, à peu près. Ah oui, effectivement. Voilà. Non mais c'est terrible comme ville, hein. C'est les bougnoules font régler, enfin, sont très très violents. Moi, j'en ai entendu que du mal de cette ville. Oui, j'entends Très du bien, oui, régulièrement, j'entends rarement du bien, oui, c'est vrai. très Il me semble. régulièrement des bougnoules qui surinent des blancs. Bon, il n'y a pas qu'à Grenoble, hein, sinon ça irait encore, je veux dire, mais Non, non, il mais y a là. surtout à Grenoble, et puis le maire donc de la ville, Éric Piolle, là, Ouais. la pastèque, là, le Ouais. rouge vert. Il me semble que pour lutter un petit peu, quoi, enfin pour oui, faire des choses bien dans sa ville, tu vois, parce que la criminalité, c'est méchant. Je crois qu'il a interdit les affichages publics, c'est les publicités, quoi. C'est pour lutter le capitalisme, Ah, ouais. L'agression qui visuelle. l'agression visuelle, ouais, l'agression L'agression visuelle physique, ça va par les bougnoules, mais l'agression visuelle, c'est quand même Oui, parce que insupportable, quoi. voilà, l'agression visuelle conduit l'agresseur à être dans des dispositions mentales qui ne sont pas meilleures. Donc, il faut. Voilà. La publicité, c'est ça le plus important quand tu as des bougnoules qui te plantent ta Bah, population. c'est-à-dire qu'on voit que les gauchistes, tu vois, ont une compréhension très claire et très équilibrée des priorités. Ouais. Tu voilà. Oh, un poster quand même, là, c'est quand même un peu de trop là, quand même. Alors, une lame? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. C'est pas Il a dans fait des cette trucs aussi, ville, c'est. c'est pas dans Ouais. cette ville où il y a une invasion des mafias d'Europe de l'Est qui sont en train de remplacer nos bougnoules? Oula, j'aimerais beaucoup, mais non, je crois pas. Je crois pas que ce soit au programme. Par contre, ce que je peux vous dire, je tiens sur ce sûr, hein, c'est que Grenoble est la plaque tournante de l'immigration depuis la frontière franco-italienne, en fait. Ouais. En fait, vous savez, vous avez cette espèce d'activiste forcené là, Cédric Cédric Herrou, Héroux. voilà, bon, mais qui est en fait un artisan en termes d'immigration clandestine et de filière de passeurs, hein, c'est du bricolage, c'est fait pour amuser la galerie, pour essayer de donner une espèce de vernis pseudo-humanitaro-éthique comment, de l'invasion. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, vous avez des vraies filières professionnelles qui travaillent entre l'Italie et la France, donc dans cette zone, et qui sont, elles, des filières qui ne veulent surtout pas faire parler d'elles. Donc c'est pour ça que Cédric Herrou est très intéressant. Il attire toute l'attention médiatique, pendant ce temps, on ne s'intéresse pas aux autres points de passage de la frontière. Et ces points de passage sont gérés donc par les Maghrébins de Grenoble. Donc il y a des points. Alors c'est très bien organisé, hein. Vous avez des points de chute, les nègres arrivent dans les montagnes, il y a des points d'arrêt, etc. Il y a des marqueurs. Oui, enfin, c'est très très très bien organisé. Ensuite, on les envoie sur Grenoble. Et voilà. Et c'est vrai qu'un leurre comme Herrou est très utile parce qu'il y a tout un discours pour accompagner. Il y a une espèce de, il y a toute une série de contre-mesures pour neutraliser la rhétorique, en fait. C'est-à-dire que pendant qu'on s'occupe d'Herrou, qui va vous dérouler avec toute sa bande de guignols, hein, enfin tout le réseau qu'il y a derrière, hein, d'extrême gauche, hein, qui va vous dire ouais, comment on a les frontières tuent, des trucs comme ça. À côté de ça, vous avez des gens qui font pas parler d'eux et qui prennent du cash. Qui prennent du cash. Par tête. par tête de nègre qui passe la frontière. Donc, j'ai les sources de. Quand je dis de première main, c'est de première main. C'est de première main. Ils font énormément de pognon là-dessus. Donc, pour la mafia maghrébine grenobloise, cette immigration, c'est un petit peu du pain béni, quoi. En plus de tout le reste, quoi. En plus de la dope et tout ça, c'est vraiment du pain béni. Alors, ils n'aimaient pas beaucoup Salvini, qui mettait un peu certaines personnes au chômage technique. Ils aiment en revanche beaucoup les socialistes italiens. Ils apprécient beaucoup ces personnes-là. Voilà. Donc. À noter, hein, Grenoble, plaque tournante pour le coup, hein, de la nouvelle. Enfin, c'est vraiment plus à or, quoi, dans le jargon. Non, mais c'est l'esclavage. Enfin, faut comprendre ça. C'est l'esclavage. Alors, c'est pas l'esclavage à l'ancienne où vous savez, vous achetez un nègre, vous en êtes propriétaire, vous le mettez à votre plantation. C'est pas du tout ça. Mais c'est un peu la même idée. C'est voilà, vous transportez des créatures, hein, d'un point A à un point B, et vous prenez un billet au passage. Bon, bah ça, donc ce sont des agioteurs, et là, il y a beaucoup, beaucoup de pognon qui est fait. N'allez pas croire que c'est une cause humanitaire. La cause humanitaire, ça, c'est le leurre pour tromper les gogos, les boomers, voilà, enfin, c'est un leurre complet. Il faut le savoir, et ceux qui connaissent l'affaire le savent très bien le degré d'implication donc de la mafia, maghrébine grenobloise. Voilà. Il faut le noter et le souligner quand on parle de Grenoble. Quelqu'un d'autre là-dessus sur Grenoble? On avait fait Lyon, Grenoble, c'est intéressant. Alors, juste parce que les gens oublient tout, et qu'il ne faut pas oublier, vous vous rappelez de ce chef d'entreprise qui a été assassiné non loin de Grenoble par un bougnoul fou. C'est-à-dire qu'il a été décapité. Décapité, pris en photo avec le drapeau de la Shahada, ensuite étalé sur le grillage de l'entreprise. Vous vous rappelez de ça? C'était en 2015-2016. Oui, tout à fait. Ouais. La banlieue grenobloise. Le nom de ce Français exécuté par un bougnoul du califat? Hervé Cornara. Hervé Cornara, assassiné dans quel village? La ville s'appelait donc Saint-Quentin-Falavier. Saint-Quentin-Falavier, hein, dans son entreprise. Assassiné par un Français, donc du nom de Yacine Sali, un Français. C'est ça, voilà. Qui s'est ensuite mystérieusement suicidé en prison. Il y avait des trucs intéressants à son propos. Par exemple, c'est quelqu'un qui allait en séance de sport, mais il y avait trois salafistes qui venaient toujours avec lui, qui parlaient à personne. Voilà, des petites choses comme ça. Je pense que, et en plus, l'entreprise en question était liée à l'Arabie Saoudite avec l'entreprise de l'énergie saoudienne Aramco. Des trucs très curieux comme ça qui se passent dans l'Isère, on sait pas trop pourquoi. Voilà. Ouah, des faits divers français. Des faits, hein, divers français. T'as tout résumé, Pierrot. Donc, une pensée quand même pour la victime et sa famille, parce que, très clairement, la classe politique française et la République s'en badigeonnent cordialement le pourtour anal, on peut dire. Je pense qu'on peut le dire, voilà. Alors, du coup, on va peut-être m'accuser de plomber le tourisme à Grenoble, alors bon, c'est pas... Ne soyons pas totalement dans la négativité, il y a sûrement des trucs très très beaux à voir en Isère, donc n'hésitez pas aussi, dans vos... voilà, je vais peut-être inviter nos auditeurs, si vous nous faites des courriers pour nous dire, voilà, cartographie raciale de ma ville, où je vais, dites ce qui est franchement dégueulasse, et dites aussi ce qui est franchement bien, d'accord, comme ça, voilà. Par contre, c'est plus près de Lyon, hein, le village en question. D'accord, ouais. Enfin, quand je dis c'est la raison, c'est la même zone en France, c'est ça que je voulais dire, hein, j'ai pas dit que c'était mitoyen, hein, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors messieurs, voilà pour ce courrier des lecteurs, quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur Grenoble, Lyon, putain, Lyon, Grenoble, en ce moment, là, ça tape sec, là. Hein. Bah, faut dire, on a demandé des infos, et oui, déjà, faut quand même remercier les types qui nous écrivent à chaque fois pour nous balancer des infos. Je pense que DP fait un meilleur travail que l'INSEE. Hein. C'est sûr. Est-ce que, là je pose la question, quel est l'endroit en France, là maintenant, là, à brûle-pourpoint, dont vous aimeriez connaître la composition raciale? Et avec le degré de dangerosité, un petit peu comme a fait notre... Un truc qui doit être bien rigolo, ça serait une cartographie comme ça de Toulouse. Mais je veux qu'on me dise où se trouvent les Espagnols. c'est pour la science. C'est pas... leur, J'ai envie de solliciter. Est-ce que sur la côte atlantique, ben j'ai des très bons souvenirs de la côte atlantique. On en parle très peu de la côte atlantique en France. Très peu médiatisée, la côte atlantique. Il y a des très beaux endroits sur la côte atlantique. Et quand j'ai la côte atlantique, parce que vous allez dire, mais c'est très large la côte atlantique, je veux dire tout ce qui est en dessous de Nantes. Quand vous partez de Nantes et que vous descendez jusqu'à la frontière espagnole, là vous avez des paysages magnifiques. Est-ce que des gens veulent nous en parler? Je suis assez preneur, moi j'ai de très beaux souvenirs. J'ai jusqu'à Bordeaux en fait, jusqu'à Sainte-Bordeaux, vous avez des paysages magnifiques, des communes très bien entretenues. C'est très propre, c'est très calme. Bon, c'est l'image que j'en ai. Alors, je demande confirmation ou infirmation. Est-ce qu'on pourrait pas aller voir du côté de la côte atlantique? Mais bon, je n'écarte pas non plus le Pays Basque, les Landes, Bordeaux, etc. Là, il y a des choses à voir, je suis sûr. Il y a des choses à voir. Alors, messieurs, oui, quelqu'un pourrait acheter quelque chose? Non, d'accord. Rubrique numéro 2, autisme radical. Alors, ouf. Là, c'est radical. Là, c'est radical, messieurs. Le populaire.fr, un journal qui gagne à ne pas être connu, a tenu à sensibiliser son lectorat sur les questions donc de discrimination, de racisme, de xénophobie. Et de préjugés, hein, de préjugés. Je vous livre cet article qui est... J'aurai le journal sous les mains, moi je découpe l'article, je le mets sous verre, c'est trop beau, il y a des photos magnifiques. Alors l'association OS, à l'origine de la création de Préjugix 400 mg, et tous ses partenaires de Limoges étaient présents pour le lancement régional du médicament qui lutte contre les idées préconçues. À Limoges, comme dans les centres-villes et agglomérations des autres villes partenaires, dans les 12 départements donc, hein, de la région, le traitement est à se procurer en pharmacie. Sur le parvis de la BFM de Limoges et jusqu'à l'intérieur, c'est l'agitation autour de drôles de boîtes de médicaments. De loin, c'est à s'y méprendre un Préjugix 400 mg à tout d'un véritable médicament. Son but, guérir des préjugés. Ce qui est important, c'est le travail systémique et pluridisciplinaire qui a été fait, explique Samira Zeman, de la protection judiciaire jeunesse. Donc là, il y a... judiciaire, oui, ça jette un froid tout de suite. Alors, à ses côtés, François Maigrier, directeur de la délégation départementale de l'ARS, des membres de l'ESAT de la Ribière, les personnels et étudiants d'école d'infirmiers et aides-soignants, Agnès Tallet, coordinatrice à Esquirol, Annie Schfederle, adjointe au maire de Limoges à la Santé, et Régis Morrison de la mission locale, tous sont réunis pour le lancement régional de Préjugix 400 mg coordonné sur toute la Nouvelle-Aquitaine ce samedi 14 décembre. Donc toute la journée, donc hein, voilà, hein, ça a bougé. Préjugix est avant tout un outil. Avant tout un outil. Lors des 80 ateliers, 80, hein, pas un de moins, hein, de préparation comme de mise en boîte, le Préjugix est un prétexte. C'est un outil pour se confronter à nos propres préjugés, pour discuter. Tout cela contribue à créer du lien social, explique Régis Morrison de la mission locale. En effet, jeunes, personnes âgées, immigrés, travailleurs handicapés, personnes en situation de handicap de tout genre, donc ça intègre aussi les nègres, tous ont le sentiment d'être les seuls à subir les idées préconçues. Alors en partageant leurs expériences, ils partagent aussi leurs souffrances. Explique Agnès Tallet du centre Esquirol à Limoges. Pour François Négrier de l'Agence régionale de santé, l'enjeu est double. C'est lutter contre les préjugés et mettre en lumière les conséquences sur les personnes et leur santé victimes de préjugés. Parmi les thèmes abordés dans la boîte, donc hein, les apparences, l'autisme, la ruralité, l'alcoolisme, les chômeurs, le suicide ou encore la schizophrénie. Bon. En Nouvelle-Aquitaine, ce sont des milliers de boîtes qui ont été assemblées et qui ont été distribuées ce samedi dans les rues ou en libre-service dans les pharmacies. À Limoges et son agglomération, 60 pharmacies ont répondu présentes pour la distribution sur leur présentoir. Préjugix, c'est aussi une approche artistique de la question des préjugés, tout d'abord dans la conception et le design de la boîte, mais aussi autour d'initiatives autres comme aujourd'hui l'arbre des préjugés, construit par l'ESSAT de la Ribière, où chaque feuille représente un domaine de préjugés et où chacun peut aborder sa contribution au travers de son témoignage, bien au-delà des 16 thèmes choisis pour la boîte. Préjugix 400 mg a vocation à rester un outil de dialogue pour les partenaires acteurs, pour les particuliers et même pour les entreprises qui souhaitent s'interroger avec leurs employés sur ces questions. Alors messieurs, Préjugix 400 mg, probablement disponible en suppositoire, vous pouvez éviter Préjugix en votant simplement Macron, ça fonctionne tout aussi bien. Alors, je sollicite nos participants. Ça, et gauchistes nous ont encore piqué un truc. Cette bande d'enfoirés. Ah non, mais attends, les gauchistes nous ont piqué le hockey boomer. Ils nous ont piqué le pas d'amalgame. En fait, c'est nous qui donnons des idées à la gauche. Quoi. C'est... Bah écoute, moi je veux bien qu'ils nous piquent l'extermination de qui n'a pas eu lieu. Attends, à la base c'est nous quand même. Je veux dire, le pas d'amalgame et compagnie. Sauf que eux, ils ont les moyens pour faire vendre du sucre. Ouais, c'est ça. Alors, je précise, hein, ils ne sont pas au courant que ce que c'est un même d'extrême droite. Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Ah si, évidemment qu'ils sont au courant. Non, c'est des boomers. Ils sont à fond. Ils sont au premier degré là. Ils sont en train de retourner le truc. Évidemment qu'ils sont courants, c'est un même de droite. Ils se sont réunis dans une MJC, la vie naturelle de l'organisme communiste. Ça s'appelle la sénilité, cher Derrick. Voilà. Ouais, c'est ça. Ils se rencontrent, ils vont. Qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait aller dans les pharmacies. Attendez, les gars. Vous sous-estimez la puissance de ce même. Vraiment. Oui, alors, non. Alors, là, il y a une vraie querelle. Il y a une vraie querelle de rabbin, là. Je veux dire, franchement, on est à Limoges. On serait à Paris, je donnerais le bénéfice du doute, tu vois. Mais on est à Limoges. Et surtout, il y a une photographie qui accompagne l'article où tu vois. Les cerveaux entre guillemets qui ont pensé le Oula. Donc très clairement des gonzesses de 30 ans totalement désaxées et des vieux et j'allais dire des vieilles. Hein, mais des vieux qui ont le cul qui trempe donc dans les couches et la barbe dans la soupe. Voilà, c'est ça le projet. Alors bon, mais je sais qu'on prête qu'aux riches. Dire quoi qu'il en soit, c'est nous, on en a fait un truc rigolo quoi, tu vois. C'était quand même bien marrant. Mais c'est quand même la théâtralisation quoi. Hein. C'est carrément c'est pas de la psychiatrisation officielle. Ça, c'est réservé uniquement à l'élite. Symboliquement, c'est la psychiatrisation théâtrale, quoi. C'est quand même assez inquiétant. Oui, sur le fond du message, c'est quoi? C'est en gros, si vous avez. Alors, il y a toute une série de préjugés. Alors, ils disent l'alcoolisme, etc. Parce que le truc, on est dans le domaine du sanitaire. Et c'est ça qui est intéressant. On est dans le domaine du sanitaire, d'accord? Donc, il y a l'ARS, donc Agence régionale de santé, etc. Et alors, bizarrement, ils veulent. On est sur des questions de santé objectives, quoi. Hein, le handicap, etc., pas de problème. Mais ils veulent accompagner ça d'un message à caractère idéologique, tu vois. Ils veulent créer une culture de l'amour des tarés. Là, on touche à quelque chose. Alors, très, très curieusement, est-ce qu'être un immigré, c'est une tare? Je pose cette question. Bah, si on se réfère à la carte du QI, effectivement. Ouais, il n'y a pas que... Oui, tu as la carte du QI d'une part, et puis tu as... Tu as le grand nombre de... Oui, la couleur de peau. De psychopathes. Oui, de psychopathes chez ces gens-là. C'est-à-dire que, bon... D'ailleurs, il y a maintenant des psychopathes, dès qu'ils fument du shit, ils peuvent tuer des juifs. C'est assez marrant. Ouais, je vais mettre à dealer, alors. Putain. Qui m'a fait oui, bon, plaisir, ce procureur. Oh, Paul. Moi, écoute, oui. On a rarement l'occasion d'être fier de notre pays. C'est ça, pour une fois, c'est sans boulot. Pour une fois qu'un nègre innocent. Ouais, alors, pardon, effectivement innocenté. Hein. Alors, là, on est en mode private joke, mais peux-tu informer nos auditeurs, pourtant, pour certains et pour la plupart d'entre eux, très avertis, mais à quelle affaire fais-tu référence? Alors, je fais référence au. Comment ça s'appelle? Au meurtre. Alors, je ne sais pas si elle a été poignardée ou jetée d'une fenêtre ou les deux, je me souviens. Oui, les deux. Je crois qu'elle a été défenestrée. Je crois qu'il y a les deux, hein, quelque chose comme ça, par un nègre. Alors, tu parles donc de Madame Halimi. Hein. Alors, Madame Halimi. C'est pas Gisèle, je connais plus le prénom. Sarah Halimi, peut-être. Sarah Halimi. Et donc cette vieille juive a été malheureusement, malheureusement a été donc assassinée et défenestrée. Défenestrée, donc elle est morte. Par un nègre je précise qui a hurlé à la mode barre. Je précise qu'on on appelle à assassiner personne. Surtout pas les vieux. Bon, je précise, parce que sinon il y aura encore des mauvaises langues. Oui, par contre, nous ne sommes pas responsables des actes des nègres. Ah bah hein, les juifs, on l'a su dans les idées, donc t'as bien raison de le préciser. Oui, les juifs pourraient effectivement nous chercher des noix, nous faire des procès pour incitation au meurtre de juives par des nègres. Oui. Ah oui, par télépathie. Totalement. Oui, par télépathie, par Incredible Meeting of Minds. Si seulement ça pouvait marcher. Bah oui, c'est vrai que l'intègre est un esprit, mais bon, ça, c'est un petit peu difficile, du coup. Alors, je prie l'éternègre de nous accorder ce genre de capacité. Alors, excuse-moi, c'était une manifestation de l'éternègre. Donc, Madame Halimi a été assassinée chez elle dans des conditions. Bon, enfin, il y a ce type d'assassinat arrive en France, hein, comme ailleurs. Voilà. Mais. Donc, le nègre a crié à la Wakbar, quand même. Hein. Il a bien crié à la Wakbar. Voilà, il a crié à la Wakbar. Mais, comme il avait énormément fumé de cannabis, hein, il était complètement pété. Pas que, hein. Il avait aussi des troubles. Bon, enfin, c'était un nègre. Des troubles liés à sa race. Hein, oui, c'est... voilà. Voilà. Donc, bon, c'est pour ça que bon, que quand l'association prévention de santé, etc., méfiez-vous des préjugés. Bon, Madame Halimi avait respecté à la lettre cet appel. Hein. Elle avait pas eu de préjugés, hein, à l'égard d'un nègre musulman hein, qui fumait des joints. Pas de préjugés. Hein, pas de préjugés. Ouais, d'un nègre qui pourtant est criminogène. Hein, et plus une population à risque. Le nègre est. C'est dangereux un nègre. Donc voilà, donc le nègre a tué la juive et là il a été décrété qu'il n'était pas responsable de ses actes parce qu'il était d'une part complètement, enfin c'est un nègre con comme ses pieds, mais en plus il avait fumé du shit, donc il était encore plus con qu'à l'accoutumée. En fait, on a mélangé deux trucs, c'est qu'il y a eu des accusations de djihadisme. C'est-à-dire, est-ce qu'un djihadiste a voulu passer à l'action, à assassiner une juive parce que Israël machin? Et deuxièmement, l'accusation d'antisémitisme, c'est-à-dire que le nègre était motivé par la haine du juif, voilà, et c'est ce qui a motivé son acte, quoi. Hein. C'était ça, le forcing qu'a fait pendant plus d'un an le CRIF et tout ça, voilà. Et en fait, la décision vient de tomber après plusieurs expertises psychiatriques. Qui sont disponibles d'ailleurs dans la presse. Hein. La réponse est la suivante de la part de la justice. Non, il n'y a pas de motivation antisémite dans cet acte-là. Même pas en fait de djihadisme. Hein. Voilà, il n'y a pas eu le nègre en question n'était pas en lien avec l'État islamique ou machin. Par contre, c'était un nègre musulman totalement frappé, quoi. Voilà. Alors du coup, ça ne va plus, cher Derek. Et oui, du coup, il est pas responsable pénalement, donc pas de procès, pas condamné. Du coup, c'est pas un nouvel holocauste. Et non, mais bon, pourtant, ma foi, voilà, moi je m'attendrai à ce que les organismes régionaux de santé fassent des campagnes de prévention avec des ateliers sur 80 ateliers de préparation pour mettre en garde. Faire des campagnes de prévention sur la psychopathologie des nègres hein, ça, et la dangerosité de ces populations-là. Alors bon, manifestement, ils ont d'autres priorités qui est d'emmener les gens à aller se faire à terminer un hachis parmentier en acceptant la tolérance et en prenant le préjugé 400 mg qui n'est pas une molécule active mais le fait de discuter etc. enfin, leur espèce de truc tout mielleux qu'ils doivent te mettre derrière pour t'influencer, c'est de l'incitation à se faire tuer. Donc, moi, j'aime pas qu'on veuille me tuer. Hein. Ce n'est pas très agréable de vouloir que les gens vous tuent. Donc, voilà, si je croisais ce genre-là, je pense que je ne serais pas très agréable. Bah, écoutez, moi, si j'ai bien compris cette histoire très compliquée, le préjugé X devrait servir surtout aux juifs. Lorsqu'il préjuge des intentions d'un nègre qui exécute une vieille juive, c'est correct? Ah, oh mais attends, ils sont le peuple élu n'a pas besoin de ce genre de médicaments. Bon, c'est comme Obélix, quoi. Il est tombé dedans quand tu étais oui. petit, quoi. Enfin, il n'a pas besoin de cette potion. Les juifs ont quelques préjugés contre les blancs, quand même. Mais enfin bon, si ce peuple pouvait goûter un petit peu le poison qu'il a fait goûter aux autres pendant des milliers d'années, ce serait bien quand même. Bah, Madame Halimi vient de le goûter, elle n'a pas beaucoup apprécié, je dois dire. Oui, enfin, Madame Halimi, voilà, n'est pas très représentative de son peuple. Ah, je n'en sais rien, hein, je sais pas exactement. Je sais pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que. Elle a consommé. Non mais ça... Oui, non, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ça aurait pu tomber sur un Français innocent. Bon, Oui, ça n'a pas été le cas. Hein. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un nègre là qui a agressé un juif dans je ne sais quel arrondissement, et toute la France a dû être au courant, parce qu'effectivement, Oui, c'était un dans le juif. métro, c'est ça, hein, Oui, Ah oui, un effectivement. Alors là, on a Israël. Oh là entendu là là parler. là là. Valeur actuelle, ils sont mis en grève, je crois. Ils ont protesté. Oui, non, mais vraiment, ils ont dit c'est inacceptable. Oui, non. Non, mais c'est... Bref. Alors, le Figaro. Oh là là. N'y avait plus d'oxygène dans la réaction. Bon, c'était samedi aussi, tu me diras. Bref, messieurs. Bon, préjugé, ça, hein, à haute dose, 400 mg, bon, ça c'est pour les... Hein, pour le... Alors, bon, permettez-moi, je m'adresse donc à l'ARS de Limoges, prévoyez-moi du fouis, au moins, hein, du 2 400 g, parce que j'en ai besoin, hein, j'ai quelques idées très arrêtées sur toute une série de catégories de clients, bon, voilà, donc n'hésitez pas à me Ouais, les par envoyer. intraveineuse dans la carotide, ouais. Directement au cerveau. Voilà. H24. Alors, comment dire? Avant de faire une pause musicale, le droit tard de la semaine. Putain, alors. Alors là. Je vous emmène en Asie. Je vous emmène. Détendez-vous, détendez-vous. Un thé. Vous allez voir. Alors. C'est Empire of Dust, vous savez, l'Empire de la poussière, vous savez, ce documentaire dont on avait recommandé le visionnage auprès de nos auditeurs, qui met en scène, vous savez, des Chinois qui se rendent en Afrique dans le cadre de programmes et d'échanges économiques, vous savez, de mise en valeur de telle ou telle mine, etc. C'est la même chose. Mais c'est à voir, c'est extraordinaire, ça dure très peu de temps, il faut écouter ça. Nous avons là un vrai discours, justement Préjugix, quoi. Voilà, je sens qu'il y a des gens en Chine qui vont devoir recevoir du Préjugix à haute dose. On écoute et on se retrouve. L'argent, moi, c'est manger maintenant, là. Yeah, manger, yo, yo. Non, donne-moi l'argent. Moi, c'est manger. Combien de mètres? Hein? Today, yo, 10 mètres. À 300. 10 mètres. 300, oui, le maire. 300. 300. Si le bœuf pas nous paye bien, on va d'abord lui donner les coups de poing. Ils vont rentrer chez eux. Faut bien payer. Petit. Bon, allez, on y va. La situation est bloquée et risque de dégénérer. Monsieur Peng doit lâcher du lest. 5 000 mètres. Oui. C'est bon. Oui. Voilà. Une rallonge de 15 centimes par mètre creusé. Des négociations permanentes auxquelles Monsieur Peng est habitué. Je suis calme parce que je vois ça tous les jours. Je suis habitué. À chaque fois, ils se plaignent. Mais si c'était aussi dur, ils ne reviendraient pas travailler. Des patrons chinois aux prises avec des ouvriers au cœur de la brousse. En Afrique, la scène est désormais banale. C'est la tranchée pour enfouir la fibre optique. Nous n'en sommes qu'au début. En tout, elle fera plusieurs centaines de kilomètres, de la frontière gabonaise jusqu'à Yaoundé. Sur son chantier, M. Peng est obligé de faire travailler Chinois et Camerounais ensemble. Regardez-le. Lui, c'est notre chef d'équipe technique. Regardez son bronzage. C'est ça l'ouvrier chinois. Il travaille sur le terrain et il est là pour surveiller les travaux. Un chef d'équipe pas vraiment satisfait des rendements de sa main-d'œuvre locale. Nous, les Chinois, en travaillant 16 heures par jour, on pourrait progresser de 2 km tous les jours. Avec eux, on progresse à peine de quelques centaines de mètres. Alors, total soutien ouais. À tous ces pauvres Chinois qui sont obligés de communiquer avec des nègres, j'allais dire. Je sais pas si on peut communiquer avec des nègres, en tout cas, vociférer avec des nègres, ouais. Et qui découvrent en fait que le nègre est intrinsèquement feignant, quoi. Et j'ai remarqué ça, en fait, plus le nègre est un nègre authentique, c'est-à-dire que nous, on a des nègres quand même mélangés dans nos îles à la con, dans notre or bleu, donc ils sont un petit peu moins feignants, mais ils restent quand même très très feignants, quoi. Ah, si, si, quand même. Le nègre des dom-tom, c'est... Oui, mais moi, en fait, donc on a déjà parlé de... Bah, il compare. Certains dans ces émissions ont eu des expériences militaires. Donc moi, je m'étais amusé à faire des petites comparaisons comme ça avec la couleur de peau du nègre et puis le degré de feignantise. C'est fabuleux. Ça se vérifie tout le temps. Ah, ça se vérifie. Et d'ailleurs, on remarque que Monsieur Peng a chopé le marché aux Français. Les Français qui étaient propriétaires de leurs nègres, et maintenant c'est les nègres qui sont propriétaires des Français. Bon. Alors voilà une session que je ne regrette pas pour ma part, hein, en toute honnêteté. Béric. Par rapport au chantier là, qui est en cours dans la vidéo, donc ils creusent. Une tranchée, en fait, le long de la route, en gros. Voilà. Une tranchée le long de la route pour faire passer la fibre optique. Alors bon, c'est. C'est assez marrant parce que apparemment ils ont été obligés, je pense, d'embaucher des nègres pour faire ça. Hein. Il y a dû avoir tout à fait. Des pressions étatiques pour qu'ils mettent pas les Chinois. Moi j'ai vu ça il y a une quinzaine d'années dans ces pays-là. Les types qui bossaient au bord de la route pour causer l'étranger, c'était des Chinois. Et c'est allé relativement vite, hein, ça, leur truc. En même pas un an, ils avaient terminé pour faire une liaison de plusieurs centaines de kilomètres. Donc, mais ils prennent des nègres parce qu'on les force à le faire. Le nègre est incapable. Voilà. Non, mais en fait, permettez-moi de poser la question. C'est la fibre optique en Afrique, pourquoi faire? Question. Mais ils n'ont déjà pas l'eau courante, mais il faut la fibre optique. Non, mais tu vois, non, mais c'est ça le truc. C'est qu'en fait, c'est une race d'incapables, très clairement. Et ce sont les races productives, donc la race asiatique, la race blanche, voilà. Techniquement parlant, on va dire ça comme ça. Qui en fait investissent dans ce bled. Alors vous allez me dire, mais c'est parce qu'il y a des contrats d'État à État, les Chinois sont gagnants parce que derrière ils vont s'occuper des ressources, etc. D'accord. Mais au final, ça donne de la fibre optique, ça donne des téléphones portables à des nègres. Bah tu rigoles, mais vu que là-haut, en fait, ils arrachent les câbles pour récupérer le cuivre, c'est ce qui a permis le développement du téléphone sans fil. Enfin, de, on va plus dire de l'internet sans fil à haute vitesse. Enfin, tout ça subventionné par nos moyens, hein, parce que tu penses bien que ce genre de chantier est subventionné. Bah là, ils vont creuser, ils vont récupérer des trucs. C'est dur de creuser, quand même. Fatiguant. C'est fatigant pour eux. Quand la fibre optique, ça se revend pas comme ça, quoi. Ouais, enfin, là, c'est de la fibre, mais bon, je pense que le réseau de téléphone qui a été laissé par les colonies, il a été déterré, hein, et revendu. Ah oui, ça fait pas l'ombre d'or. Oui, tout à fait. Même les lignes de chemin de fer, hein, je veux te dire. Avec ces cons de nègres, voilà. Alors, non mais du coup, on voit vraiment se manifester, enfin, je veux dire, les gens qui sont dans le négationnisme racial, parce qu'il y a un négationnisme racial aujourd'hui, hein. Des gens qui se... En France, à tel point qu'en France, on a enlevé le mot race de la Constitution. Je sais pas si vous imaginez, ouais. 2019, je crois que c'est en 2019, la France enlève le mot race de la Constitution, pensant faire un pas vers le progrès. Non, c'est un pas vers le néant, c'est nier l'évidence. Et M. Peng pourrait témoigner, c'est dommage qu'on ne l'ait pas entendu en commission à l'Assemblée nationale, je suis sûr qu'il aurait eu beaucoup de choses à dire. Et bien, vous avez vu les nègres agressifs, hein, comme ça, putain, la vache. Et alors, comment ne veux-tu pas chicoter du nègre? Alors, moi, je vais quand même pas dire du bien d'eux, mais dire que il est possible de faire pire. C'est de les laisser se faire embrigader par la CGT. Alors là, qu'est-ce que tu veux dire? Parle-nous un peu de la RATP. Oui, ramène des communistes français syndicalistes en Afrique, elle est là, et c'est possible de faire quelque chose d'encore plus fort. C'est possible. Il est possible de faire pire. Imagine tous ces travailleurs français qui vont débarquer dans la métropole, se syndicaliser. Imagine qu'on va faire travailler ces gens-là. Imagine un peu le bordel. Alors moi, ce qui me donne un peu plus le vertige, si tu veux, ou une notion de l'infini, c'est de voir des blanches qui payent des billets d'avion pour aller creuser des chiottes pour les nègres au fin fond de la brousse. ça, tu vois, ça me donne... Bah ouais. Là, j'arrive à mesurer un petit peu l'infini, tu vois. Ça me donne une idée. On en avait parlé, ça. Il y avait eu... c'était pas chez les nègres, c'est à proprement parler. C'était en Tunisie, qui avait payé un petit peu à la cheval. Ou du Maroc, je sais plus. Et tu avais des espèces de Belges ou des Néerlandais, et des blondes, c'est-à-dire des oui, oui, ouais, grandes blondes en short, hein, qui étaient en mini-short. Oui. Et en haut, tout à fait... qui mettait bien en forme. Affriolant. Voilà. Et elles étaient là avec des pelles à ramasser du gravat pour le bouger. Enfin, c'est totalement délirant. C'est pas dans les types sont là à rien foutre. Tu as des nanas. Oui, je me rappelle la photo. C'est t'as des dizaines de nains qui sont assis en rond. Qui rigolent. Et qui regardent des blanches en train de creuser. Ouais, non, mais c'est voilà, c'est... voilà. Ouais, mais moi, je voudrais rajouter quelque chose à ce que Derek vient d'expliquer. Oui. C'est qu'effectivement, ce sont des Belges, parce que j'ai vu l'article. Mais en plus, ce sont des élèves d'une école. C'est une école qui avait organisé ça. Ce sont des jeunes filles, des gens de 16 à 20 ans, quelque chose comme ça, qui ont été envoyées par leur école pour aller aider. Bon, bah, tiers monde, quoi. Vous avez beaucoup de choses à vous faire reprocher en Belgique, hein, quand même. Ceux qui nous dirigent, pardon. Oui. Bref. Bon, en France aussi, hein. Je crois qu'on est mal placé pour eux, hein. C'est collectif, c'est un effort collectif de décivilisation. Je voyais un article il y a deux jours, trois jours, sur un couple qui, bon, c'est classique, hein, on en a déjà parlé dans beaucoup d'autres cas. Un couple qui loge des migrants une semaine sur deux chez eux. Bon, j'ai pas très bien compris leur situation, qui n'est pas très détaillée. Mais une semaine sur deux, ils n'occupent pas la maison et ils laissent la place, leur lit, etc., leur cuisine culturellement, à des nègres qui s'emmènent d'un peu partout, évidemment. Et ce qui est amusant dans l'article, c'est que le couple en question c'est une famille recomposée. Et ces gens, donc, ils n'ont pas su assumer leur propre mariage, hein, leur propre couple, ont divorcé chacun de leur côté, se sont remis ensemble, donc se sont fait en famille recomposée, reçoivent des nègres, et ces gens-là le font pour nous encourager leurs compatriotes à s'occuper des migrants, à recevoir des migrants, et en fait à vivre ensemble. Ces enfoirés n'ont même pas été foutus vivre en couple, puisqu'ils sont recomposés, et ils viennent nous parler du vivre ensemble. Moi je trouve ça extraordinaire. Ça m'a foutu la bile. Ah bah moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Ah c'est pas faux ce que tu dis, Fulbert. D'ailleurs, en fait, plus on parle de vivre ensemble, plus oui. le simple fait de vivre en communauté, même entre blancs, hein, puisque à un moment donné, il faut aussi voir les turpitudes de notre propre peuple, est incapable de vivre de coexister avec une femme qui soit une vraie femme, avec un homme qui soit un vrai homme, c'est de plus en plus délicat. Mais comment dire, non, mais c'est un point essentiel, ça, le vivre ensemble. Il y a une piste là, c'est-à-dire que vivre ensemble entre blancs. Ah ouais, oui, là c'est bon. Ah, voilà, y a des moi je veux bien, moi je suis pas contre l'immigration. Si demain il y a 1 million de Suédois qui, enfin peut-être pas Suédois, ouais, alors voilà. Du coup. Ouais, non, parce qu'ils feront venir les Afghans après. Ah, non, mais ouais, d'Islandais, les Islandais, dire... Islandaises même, tiens. Oui, non, mais c'est vrai que le vivre ensemble, ça veut dire ne pas vivre avec les autres. Ouais, moi je suis partisan de vivre ensemble dans ce sens-là, effectivement. C'est ça. Bah, vivre entre nous, quoi. J'avais proposé le. En plus, faut savoir aussi que c'est un nom de code. Enfin, c'est même pas un euphémisme, c'est soviétoïde, quoi. En fait, quand il parle de vivre ensemble, c'est survivre avec, en réalité. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est marrant, il dit vivre ensemble. T'as envie de poser la question, mais vivre ensemble, c'est toujours indéfini, c'est toujours abstrait. Vivre ensemble avec qui? Et qui? Il faut poser des questions. Tu sais, quand on sort des catchphrases comme ça, tu sais, des slogans, il faut poser. Attends, vivre ensemble avec qui? Ouais, je sais pas quoi. Je vis ensemble avec mon frère. Je sais pas. Tu vois, on est sous le même toit ou je sais pas. Bah, avec qui? Quoi? Vous pouvez en être un peu plus précis? Un étranger qui arrive en France, il irait dans une réunion du Parti communiste ou de n'importe quel autre officier marxiste. Il entendrait parler nous devons vivre ensemble dans les quartiers populaires avec les jeunes. Il se dirait, tiens, voilà, j'ai affaire à un parti fasciste. Alors non, si tu prends les mots, à stricto sensu, tu... Ouais, face value. Tu racontes. Ouais, tous les mots, toutes les expressions qu'ils ont comme ça, toutes faites. Ça ne distingue pas. C'est fait pour ça, la confusion et en fait c'est du brouillard, hein, c'est du brouillard, hein, ni plus ni moins. Non voilà. Mais c'est important parce que voilà, vas-y Fulbert. D'ailleurs, moi j'aimerais bien faire un petit peu revenir un tout petit peu en arrière et faire le tour de toute la question qui a été discutée. Mais on a ce monsieur Peng et ses contremaîtres chinois. Qui sont là-bas, je ne sais où, en Afrique, on l'a dit, mais j'ai oublié, qui essayent de vivre leur vie. Leur vivre ensemble avec des Congolais ou enfin, des Africains. C'est au Gabon, je crois. Gabon, d'accord. Gabon. Et qui n'arrivent pas, qui arrivent très difficilement, qui sont très critiques sur la question. Donc, eux viennent en tant que Chinois. Ont des problèmes majeurs de travail, de construction avec les Africains en question. Et nous, en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller chercher les Chinois pour mettre nos chômeurs au travail, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les nègres pour ne venir rien foutre et ne pas pouvoir s'entendre avec eux ici. Et les nourrir. C'est quand même extraordinaire. Ouais, mais est-ce que le chinois est d'essence divine? Alors là, il y a une piste. Je veux dire, là, le génie s'exprime. Excusez-moi, aller chercher des commissaires politiques communistes chinois pour faire bosser les blancs, il y a quelque chose, monsieur. Il y a quelque chose. Ok. Ce serait mieux d'aller chercher les noirs. Ah, mais je te le fais pas dire. Puisqu'on n'y arrive pas. T'aurais à faire bosser un noir, Fulbert, faut se lever tôt, hein. Bah, je sens que là, tu vois, le comment dirais-je, les enchères montent, là, tu vois. Donc, et là, ça, je suis, mon attention est tout de suite captivée. En fait, il faut intégrer des vrais communistes chinois à nos propres structures communistes pour relancer la productivité. Alors, j'ai une proposition sur la base. Attention, je revendique pas la paternité, hein, mais je pousse la logique. Je propose de virer tout le personnel donc de Pôle emploi et de le remplacer par des officiers communistes chinois. Vous allez voir comment on va mettre des gens au travail. Alors là, je pense qu'on aura des résultats. La piste est lancée. Non, mais visiblement, non, parce que nous, on a des cégétistes. La cégétiste n'a pas envie de mettre des gens au travail, on est d'accord. Le projet. Ouais, mais ils se sont dénaturés, à mon avis, les cégétistes. Ils ont oublié leurs racines. Je vais pas développer sur la CGT parce que sinon ça va m'amener sur des périodes historiques effectivement où il y a comment dirais-je des c'est en dents de scie au niveau de la pyramide démographique donc voilà mais il y a des choses à dire hein, sur ces gens-là. En tout cas Monsieur Peng chapeau bas. Alors du coup part aussi j'extrapole un peu mais vous savez que on va y venir dans la deuxième partie d'émission, vous savez qu'on dit beaucoup de mal donc de la colonisation européenne, française notamment en Afrique, surtout dans cette région. On dit beaucoup de mal aussi de l'esclavage, t'as raison, pas pour les bonnes raisons. Mais moi je veux rendre hommage ici à tous ces chefs de plantation européens. À tous ces chefs de plantation à Haïti, Saint-Domingue, dans les Antilles, qui ont dû se coltiner pendant des siècles, ces sales nègres arrogants et feignants qu'il a fallu forcer à travailler parce que c'était impossible d'en faire quoi que ce soit, et que c'est à coup de fouet seulement qu'on a réussi hein, à les sortir de leur sieste, voilà, moi je dis quand même, on a réussi avec ces feignants à faire quelque chose, et ça c'est la preuve du génie européen. Il faut ériger des statues à la gloire de ces héros. Voilà. Ou pas. Non, mais c'est un débat. Non, mais attends, rien que déjà faire bosser le nègre, et vivre avec des nègres. Non, mais ces gens étaient d'une patience infinie. Et puis en plus, enfin, ne serait-ce que supporter l'odeur aussi, ça devait être compliqué. D'une empathie, je veux dire. Imagine proposer un projet comme le travail à des nègres. Enfin, je sais pas. Il faut quand même. Il faut voir grand dans la vie, je veux dire. C'est une folie. Bah, les béquets sont racistes. Hein, on se demande pourquoi. Avait le même projet aussi hein, pour des gens qui n'aimaient pas travailler. Oui, alors que le travail rend libre en plus. C'est écrit. Ouais, tu donnes. Il suffisait de lire. Hein. Les il suffit de donner une pelle à un germain, il bosse gratos et il est content, tu vois, sa dignité est retrouvée. Alors que si tu files une pelle à un juif, il est pas content. Voilà. Quoi. Ah, tout le monde sait très bien que quand tu donnes une pelle à un juif pour bosser manuellement, il meurt. J'ai expliqué l'Holocauste. Hein. Voilà, excusez-moi. Voilà. Messieurs, je vous propose une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Thank you. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 49. Nous allons maintenant discuter très librement de l'actualité. Et nous allons commencer par les grèves en France qui affectent pas tous les Français. Surtout les Français qui vivent dans les grands centres urbains, à commencer par Paris. Mais beaucoup de Français ne sont pas touchés par ces grèves. Et le vivent normalement ou le vivent à la télévision, disons, hein, par procuration. Alors, nous avons eu cette scène assez marquante, je dois le dire. Pas la peine de la diffuser en direct, parce que finalement, il n'y a rien à voir. Mais c'est donc ce nègre qui s'accroche au wagon pour aller vers sa destination. Hein, donc, la prochaine destination, je ne sais pas laquelle. Vous avez vu cette vidéo ? Je présume que oui. Hein, Tu ouais. parles du nègre ouais. qui se pampe par les pieds, c'est ça, là-bas ? Non, il s'accroche au wagon à Paris. Et il part, quoi, je veux dire, voilà, comme en Inde, tu sais, comme en Inde ou en Afrique, quoi. Les mecs se juchent sur les rames. Alors, est-ce que cette image vous parle, vous, de... Moi, pour moi, il y a quand même quelque chose, hein. Je crois qu'il y a là l'amorce d'un truc. C'est... Pour moi, là, il y a le début d'un... Alors, commençons simplement. Les grèves, je fais le tour de table. Qu'est-ce que vous pensez de ces grèves telles qu'elles sont en ce moment ? Je parle des grèves effectives, hein. pas de leur but, qu'est-ce qu'elles visent, au quotidien. Ce que vivent les gens au quotidien, est-ce que vous en pensez ou ce que vous expérimentez ? Bah, comme tu l'as dit, en fait, ça touche une catégorie qui est très précise de la population, qui sont les métropolitains. Tu vois, non... En fait, quand il y a eu les gilets jaunes à la grande époque, là, ben, il y a un an pile poil, là, ça touchait vraiment beaucoup plus de monde, parce que ça pouvait être les ronds-points qui étaient bloqués. Donc là, c'était vraiment la France périphérique. Là, c'est les types qui bossent à Babylone, quoi, qui sont vraiment touchés. Moi, c'est Paris, vraiment quoi. Ce que je vois. Hein. Oui, Paris. Bah, déjà, moi, si tu veux, l'idée même de prendre les transports en commun, ou de passer une heure et demie, deux heures dans sa bagnole pour aller bosser, déjà, ça me fait chier. Je ne pourrais pas. Personnellement, je ne pourrais pas. Donc, moi, ce que j'y vois, surtout, c'est l'occasion de prendre un vélo, quoi. D'ailleurs, tu me prends un vélo, même électrique, et tu vas bosser, quoi. Tu t'épargnes la SNCF et compagnie. C'est ultra dangereux, hein, les circulations là-haut, là, pour avoir vu ça assez récemment. Alors, ils sont très marrants à parler des Marseillais qui ne savent pas rouler. Les Parisiens sont fous, hein. Excusez-moi. Hein. Oui. Effectivement. Regardez, tu as le avec un vélo, tu as de quoi te faire tuer plusieurs fois par jour. Hein. Ouais, alors c'est vrai que quand tu arrives avec ton petit A de province et que tu arrives la première fois sur le périph parisien, tu prends peur. Hein. Tu te demandes dans quel pays non, tu arrives. Le périph déjà, c'est une chose, mais les rues, quoi, les rues. Oh putain, les types. Les croisements, c'est à l'africaine, quoi. Y a des coupeurs de nègres maintenant à Paris. Hein. À Paris et en France. Oui, y a des coupeurs de route. J'ai vu cette. Oui, des coupeurs vidéo. De nègres. Des coupeurs nègres de route. Alors, les coupeurs de nègres arrivent après. Dans l'ordre. Non, mais j'ai vu cette magnifique vidéo où, en fait, on voit, oui, maintenant, dans les arrondissements de Paris, carrément des nègres qui coupent les routes comme en Afrique, enfin, pour piller les véhicules. Oui. On y est, quoi. Ou dépecer les conducteurs. Aussi. Qui d'autre ? Bah, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de choses à dire. Et... Vraiment, j'ai pas. C'est difficile d'être. Pas sur les motifs, hein. On est vraiment sur le caractère pratique du problème. Non, et ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire parce que les boomers sont les plus radicaux d'entre nous. Hein. Je croise du boomer radicalisé assez récemment. Putain, il n'y a même pas d'unité de lutte contre la radicalisation des boomers, t'imagines ? Il faudrait y songer, mais bon, pour l'instant, en fait, ils sont gentils. Mais dites-vous que ça pourrait être pire parce que bon, pour l'instant, en fait, c'est les transports en commun qui sont bloqués. Mais bon, t'as quand même moyen de contourner un minimum les transports en commun. Alors, si t'as vraiment pas les moyens bah tu te retrouves dans un métro qui est sursaturé de nègres, et là effectivement ça doit être très difficile. La une de Libération m'a enchanté. Ah, ouais. Moi j'ai lu négro à la place de négo et nègre à la place de grève. J'ai cru que c'était un truc. C'est, d'ailleurs, c'est quoi, faudrait... c'était quoi le vrai titre, c'est quoi les c'était grève, négo. C'était grève. Non, grève, c'était le topic, c'était grève. Il y a marqué ça grève. Donc ouais, certains, négo aussi. Ouais. Très au ralenti, des négos aussi. Avec des nègres qui marchent. Des gens ont lu nègre, les trains au ralenti, les négros aussi, c'est ça. Si nous avons des amis démocrates participatifs chez Libération, manifestez-vous, s'il vous plaît. Bon, les mecs, ils font la maquette, en fait. Les mecs, ils font la maquette. Tout le monde a vu ça, effectivement. Pas tout le monde. C'est un test de Rorschach, comme disait un camarade. Oui. Ah, Libération. Il n'y a que des blancs à Libération. Eh, non, il y a quand même des blancs, hein. Dans la photo. Hein. Si tu regardes attentivement, tu vois des blancs. Faut les chercher. Où est Charlie? Ah, non, mais attends. Où est Charlie? Là, c'est pas le métro. Hein. Parce que dans le métro, il n'y a pas de blancs. Là, il y a quand même quelques blancs. Tu les discernes. Tu vois 2-3 gonzesses, tu vois des boomers. Non, il y a des blancs. Hein. Non, mais la photo, en plus de la couverture de Libération, bon, des spécimens. Voit les blancs, c'est vrai, quand on les cherche. Mais ouais, tu as des spécimens de nègres absolument fabuleux. Alors qu'en plus ils sont. Moi j'ai cru qu'on était. Excusez-moi, j'ai cru qu'on était au musée de l'homme. Hein. Alors le titre est mal porté, mais vraiment, il y a des choses. Ah bah, il y a une femme noire qui est à l'avant-garde de la République. Voilà quoi, c'est dynamique, je trouve. Alors, t'as raison, mais permets-moi juste de corriger. À l'avant-garde de la République, il y a les Juifs, et c'est Manuel Valls qui l'avait rappelé. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de leurs valeurs. Oui. Une petite correction comme ça en passant, c'est tout à fait amical. C'est pas parce qu'il y a des grèves qu'il faut perdre de vue l'essentiel, c'est ce que je veux dire. Alors en tout cas, bon, c'est le foutoir, mais là je vous pose la question. C'est le foutoir, mais à quel point? Au niveau français, c'est-à-dire au fond, on a l'impression que oui, il y a des gens qui font grève. Mais en fait, c'est très limité à certains secteurs. Et d'après vous, est-ce que c'est de nature à bousculer Macron, le gouvernement? Moi, je pense que c'est que dalle, mais bon, je vous pose la question. Non, mais il y a du théâtre. C'est-à-dire que Berger qui fait volte-face, c'est évident qu'il... En fait, il va se retourner. Tu vois? Donc, il y a du théâtre. Non, mais les gens ne le savent pas, mais il y a des négociations entre le gouvernement et les syndicats. Il faut pas croire que tout est spontané et que alors évidemment que les syndicalistes à la tête des syndicats sont poussés par leur base et même par les milieux intermédiaires, mais tout ça est cousu de fil blanc. Je pense que la CFDT va accepter, va trouver une solution de compromis. Le gros moustachu là, j'ai oublié de son nom, Fernandez, Martinez. Oh putain, c'est tellement le sergent Garcia. Fils de rouge espagnol d'ailleurs. Le sergent Garcia. Tiens, on va changer. Oui, en fait, il va laisser ses radicalisés foutre le bordel. Et puis, Macron va arriver avec une solution de compromis. Et puis, l'affaire est réglée, quoi. C'est tout, hein. Ouais. Sachant que là, comme on le disait en début d'émission, on est quelques jours avant Noël. Donc, on en reparle après Noël, si vous voulez, dans une semaine. Hein, après la gestion. Paris sont ouverts. Hein. C'est fini. Ça sera déjà. Voilà. Petite anecdote d'ailleurs sur le prédécesseur de Philippe Martinez, hein, pour appuyer les propos de MacDav, donc Thierry Lepan, qui s'était. Donc en fait, lui, il avait démissionné parce qu'en fait, je ne sais pas si vous souvenez de l'histoire, il avait fait refaire son appart et plein de petits trucs. Ouais. Voilà, il y en avait pour 200 000, 300 000 euros, etc. Donc un homme de gauche, donc. Donc lui, il s'était fait gauler, justement, poussé par sa base pendant les grèves des cheminots. Et en fait, il négociait en secret avec la SNCF. Et si bien qu'en fait, à la fin, le mec de la SNCF, il ne savait pas si le type de la CGT, donc supposément un dur en face de lui, était un mec de gauche ou de droite. Enfin, il ne savait pas lequel des deux était le plus tempéré, quoi. Et en fait, les types, ils négocient en secret parce qu'ils veulent... Oui, ils ont fait des... il y a des reportages là-dessus. Hein, sur... Vous pouvez trouver ça même sur YouTube, dire sur Wikipédia. Que... Oui. Les syndicats ne représenteraient peut-être qu'eux-mêmes. Ils seraient à la solde du système, peut-être. Bah oui, mais je veux pas quand même cracher sur un tas de mecs à la base qui sont syndiqués je pense. Tu peux, c'est ce qu'il pense. Pour des bonnes raisons, en tout cas pour des raisons légitimes. Moi, j'y vais cordialement, hein, je veux dire, en tant que. Non, il peut y avoir des mecs honnêtes à la base qui comprennent aussi qu'effectivement, les patrons ne sont pas toujours des anges. J'utilise un autre filtre. Là, c'est le filtre du QI, qui fonctionne aussi très très bien. C'est-à-dire que si tu es un connard qui ne sait pas ce qui se passe autour de toi, tu es un connard et donc on n'a pas de raison d'avoir faire preuve d'empathie à ton égard. Si tu es une salope, parce que tu travailles en fait pour les pourris du système, la même chose, le même tarif, quoi. Mais entre les cons manipulés par les connards, enfin, entre les connards manipulés par les salopes, tu vois, j'ai pas tellement envie de choisir, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Ouais, bien sûr, après, je veux... Et puis surtout, 92% des Français ne sont pas syndiqués, ne se reconnaissent pas dans cette tambouille infecte, comment dirais-je, du marxisme institutionnel récupéré par la finance, et donc n'en ont cordialement rien à foutre de ce que dit la copie française de l'URSS, oui, d'accord. La copie de Staline qui est Martinez, quoi. Enfin, la pauvre copie, la copie ibérique hein, de Staline. Oui, il n'y a pas que la moustache, il y a aussi l'idéologie. Hein. Oui, puis, c'est quand même une occasion pour les syndicats de récupérer du terrain médiatique. Parce que bon, oui, avec les gilets jaunes, ils sont quand même retrouvés très très isolés, on va dire. Eux à poil. Alors, oui, mais là, Martinez, il a tout à y gagner. Parce qu'en fait, donc il y aura un accord qui va tomber, voilà, on ne sait pas quand, mais il va tomber. Lui, il va passer pour un homme dur auprès de sa base. Il va être, déjà, il avait été élu avec un score de plus de 90%, donc pour le coup, un score stalinien, j'ai envie de dire. Ouais, l'Union soviétique, hein. Voilà. Normal. Et puis, il est aimé du peuple. En ce moment, il y a des petits boomers de la CGT, des mecs un peu con qui vont jusqu'à couper l'électricité dans les hôpitaux. Hein. Ah bah, on va en parler de ça. Ouais, on va en parler. Voilà. Bah, en tout cas, pour dire que finalement, Martinez, si jamais ça chauffe trop, bah, il a qu'à dire oui, non, mais ça, je me reconnais pas dans ces trucs trop extrémistes. Et puis, fin de l'histoire, quoi. Ouais. Ouais. Mais est-ce que. Je crois que le point le plus important, c'est pour le gouvernement, il y a eu des confessions d'ailleurs en ce sens de la part d'un haut responsable gouvernemental, ou en tout cas de la majorité la République En Marche, c'est qui a dit, hein, qui a fait part d'une chose très vraie, très évidente pour tous, c'est que, comme il disait, je préfère avoir 1 million de manifestants dans la rue qui sont encadrés par des syndicats que 100 000 gilets jaunes. C'est évident. C'est-à-dire que les manifestations syndicales sont par définition indolores pour le gouvernement. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des manifestations séditieuses. Les syndicats sont des syndicats d'État en France. D'accord ? Les gens parlent de contre-pouvoir social, etc. Ça, c'est pour les gogos. En France, il y a des syndicats, oui, mais ce sont des syndicats étatisés. D'accord ? Officiellement, ils ne sont pas étatisés, mais chaque année, en début d'année, tous les syndicats, les 5 syndicats reconnus par l'État, parce qu'en France, si vous voulez, mais dans cette grande démocratie libérale qu'est la France, c'est l'État qui détermine lequel est un syndicat homologué, duquel ne l'est pas, vous voyez ? Et les 5 syndicats qui ont le droit à l'homologation reçoivent une prime de bonne conduite. Et tous les ans, en début d'année, vous avez les responsables des syndicats qui vont prendre leur chèque. Alors parlez-moi ensuite de contestation, d'opposition au nom du prolétariat, de la classe ouvrière, des travailleurs. Ça, c'est pour les connards. Ça, c'est l'habillage médiatique. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, ces syndicats, comme on appelait jadis jaunes, les syndicats à la solde du pouvoir, sont très utiles. Parce que d'abord, ils ne représentent plus personne. Chez les travailleurs. Ils ne représentent plus personne. C'est la minorité de la minorité. Et c'est une grande qualité parce que ce sont des gens qu'on peut acheter pour rien. Parce qu'ils sont conscients de leur propre faiblesse et ils savent que ce qu'ils doivent, ils le doivent au pouvoir. Donc ils ont tout intérêt à maintenir l'illusion de la pertinence sociale. Donc de faire de l'agitation, etc. Y compris à faire semblant de s'opposer au système. Mais tout le monde sait très bien que le gouvernement passera de toute façon. Et c'est pour ça que l'aveu de ce cadre très important de La République En Marche dit tout, quand il dit, voilà, moi je préfère 1 million de connards qui commencent à manifester à 11h, qui rentrent chez eux à 15h, après avoir mangé une merguez, que des gilets jaunes qui se mettent à cramer des préfectures ou cramer des... Eh bien évidemment, bien sûr, évidemment. Évidemment. Et quand on regarde ce qu'ont obtenu les gilets jaunes en termes de concessions, on peut quand même le chiffrer, je crois que c'est à peu près 14 milliards d'euros. D'accord ? Donc je dis pas que c'est la politique à suivre, hein. Je dis pas qu'il faut absolument céder surtout, etc. C'est pas ce que je veux dire. Je rentre pas sur la question des orientations économiques. Mais je veux dire, en termes politiques purs, les gilets jaunes, eux, ils prennent 14 milliards, ils se cassent. La CGT, eux, rien. Sauf, évidemment, pour leur clientèle à eux, qui de toute façon, ne sont pas en danger. Ne sont pas en danger. Parce que le système a besoin d'eux. D'accord ? Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et j'ai bien aimé l'expression de MacDav, hein, c'est du théâtre. Voilà, c'est du théâtre. On fait croire aux gens. Voilà. Mais c'est pour mieux... Comment dit le loup ? Pour mieux te manger, mon enfant. C'est oui, pour mieux te... Voilà. Exactement. Oui, alors après, là, pour le coup, les boomers, mais en fait, c'est inéluctable. C'est absolument inéluctable. Les boomers vont, surtout les boomers fonctionnaires, vont voir leur retraite fondre. Mais enfin, faut bien se dire une chose. Ça a souvent eu lieu en France, mais ça se faisait par des dévaluations et par une inflation qui est très forte. Là, le problème, c'est qu'on a eu des boomers qui ont eu un train de vie, monumental, croissant sur l'entièreté de leur carrière, voire sur le début de leur retraite, qui se retrouvent à la tête d'un magot. Et en fait, la seule chose qui est, entre guillemets, inexpugnable, c'est justement leur train de vie. Mais c'est évident que la retraite par points va permettre au gouvernement de baisser la valeur du point. Bien sûr, évidemment. C'est évident, mais... Enfin, je veux dire, c'est pas, quand même... Pas la baisser nominativement, mais ça va être une baisse juste en n'augmentant pas le point, quoi, alors que l'inflation... Oui, c'est ça, on va jouer sur les chiffres de l'inflation, mais c'est déjà ce qu'on fait avec les salaires. Tu vois, je veux dire, personne ne croit aux chiffres de l'inflation qui sont donnés par l'INSEE. Enfin, c'est assez ridicule. C'est une blague, oui. Donc c'est ce qui va se passer, mais enfin imaginez, je ne sais pas moi, quand je vois un couple, je sais pas moi, de retraités de l'éducation nationale, combien se font ces types à la retraite? Ils se font, mais allez, 70 000 euros par an de retraite. Imaginez combien de nègres sont avec leur vélo Uber ou dans leur taxi Uber là. Combien il en faut pour cotiser 70 000 euros par an? C'est juste pas faisable. Non, 70 000 euros, ça fait plus de 5 000 euros par mois, là, je sais pas de... Ah bah attends, un couple de retraités de l'éducation nationale, les a. Pour moi. Un couple de retraités, les a. Non mais attends... Non, j'ai cru que tu parlais d'une personne seule. Ok, autant pour moi. Si vous allez chercher dans les retraités... bon, évidemment, c'est très particulier, mais... Les retraités professeurs d'université, vous allez trouver vos 70 000 euros par an, par tête. Hein. Oui, je crois que MacDav parlait plutôt d'un prof quotidien. Non, mais bien sûr, tout à fait, il ne parlait pas de ça. Mais je veux dire, on peut même en trouver de ce calibre-là dans des... Non, mais même dans la SNCF, hein. T'as plein de types qui ont été agents de maîtrise dans la SNCF, qui se font 2 500, 3 000 euros de retraite, et qui trouvent parfaitement normal, et là, c'est vraiment l'hypocrisie des boomers. Il y a eu un débat là où il y avait une directrice d'école, donc je ne sais plus de quel syndicat, qui avait 40 ans, deux enfants, et qui disait gagner 2000 euros par mois. Donc effectivement, c'est peu. Pour une directrice d'école, on peut trouver que c'est peu. Enfin, c'est mon cas personnel. Elle trouvait parfaitement normal qu'un retraité gagne plus qu'elle en activité. Donc, enfin, le système de salaire qui augmente de façon très progressive tout au long de la carrière pendant 40 ans, 50 ans. À l'ancienneté, quoi. À l'ancienneté, il faut quand même être certain d'avoir un État qui peut se le permettre. Donc qui soit en croissance pendant tout ce temps, avec une population qui est également en croissance. C'est-à-dire, les boomers n'ont pas fait de gosses, n'ont pas voulu en faire. C'est la grande différence en fait entre le secteur public et le secteur privé. C'est-à-dire que quand l'État embauche un fonctionnaire, on va dire, qui a 25 ans, il doit non seulement lui fournir un salaire pour les 40 prochaines années, mais en plus une retraite. C'est-à-dire que quand un, et j'invite nos auditeurs à méditer là-dessus, quand l'État embauche un fonctionnaire, il s'engage sur les 60 prochaines années minimum. Il met sa signature sur un revenu pré-établi, d'accord, sur les 60 prochaines années. Bon, rien qu'en réfléchissant là-dessus, quand on dit mais qui peut avoir une telle vision à long terme, je veux dire, qui peut avoir de telles garanties, je veux dire, oui, l'État français ose aller aussi loin, prétendant avoir 60 ans de préscience aux frais des autres. C'est-à-dire que tout ça est financé auprès des autres. Et quand vous regardez la pyramide des âges, et quand vous regardez la pléthore de fonctionnaires qu'il y a, c'est juste intenable. Donc, c'est le grand non-dit. Il y a un premier non-dit qui est une question générationnelle. Vous avez remarqué, hein, les questions de génération sont très peu abordées. Extrêmement sensibles comme question générationnelle. En fait, en gros, hein, question démographique, on n'en parle pas. Question générationnelle, on en parle un tout petit peu du bout des lèvres. D'accord. Les questions de disparité à l'intérieur des générations, selon qu'on soit à statut ou sans statut, alors là, c'est carrément le tabou. Quasiment le tabou. Alors vous allez me dire, oui, mais Macron a quand même remis un peu l'église au centre du village, parce qu'il a quand même posé la question des ce qu'il appelle des régimes spéciaux. Quelle est l'intention de Macron ou pas, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est certainement une avancée. C'est pas une avancée qui est motivée par l'envie d'équité, de justice, etc. Pas du tout. C'est motivé par l'urgence financière. De toute façon, rassurez-vous, le secteur privé va se retrouver à financer le secteur public. Voilà. Quel artifice, quel échéancier, etc. On sait pas, mais ça se terminera comme ça. C'est-à-dire que tous les gens qui auront bossé sérieusement, sans être sûr du lendemain, pendant toute une vie, devront cracher au bassinet pour des gens qui étaient sûrs de tout et auxquels on a promis absolument n'importe quoi parce qu'ils avaient une seule qualité, d'être la clientèle favorite de la gauche. Voilà. Et ça va se terminer comme ça. Donc les gens qui ont travaillé dans le secteur privé vont devoir... ouvriers ou autres, hein, je veux dire, là, il n'y a pas de... Tout le monde va cracher au bassinet pour garantir l'avant-garde de la nation après les juifs, que sont les fonctionnaires... de gauche, voilà, ce qui leur est dû, entre guillemets. Donc oui. Voilà, et je parle pas vraiment, la question générationnelle n'est pas abordée, la question raciale, oula, hein. Parce qu'ils on l'a déjà dit à maintes reprises, mais le sous-entendu absolu, c'est, oui, on fait venir des millions de métèques, mais ils vont être aussi productifs que ceux qui étaient là avant, et ils vont maintenir le système de retraite en place, rassurez-vous, quoi. C'est... Ils sont vitaux pour notre système de retraite. Oui, alors, la seule chose qu'ils feront, c'est de continuer à livrer des burgers à conduire des boomers. Je crois que c'est à peu près leur seule utilité. Bah, ouais. Bah, on parlait tout à l'heure de Grenoble, tiens, par exemple, ça me fait penser à ça. À Grenoble, ils ont fermé la ville au poids lourd, d'accord ? Oui. Ah mais enfin, Grenoble, c'est une cuvette en fait. Pourquoi on livrerait pas le fret avec des vélos? Écoute, figure-toi qu'ils prennent des nègres à vélo, qui se traînent mal des remords, qui transportent des trucs. Non. Non, mais c'est un vrai problème. Le nègre écologique. Alors là, c'est une performance en direct pour tous nos auditeurs. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout cette histoire. Je m'imagine en gauchiste, je me dis qu'est-ce qu'il faut faire, je vais mettre des nègres à vélo, etc. C'est un vrai progrès. Et en fait, ça se passe. C'est oui. C'est une réalité. D'ailleurs, Grenoble a des vrais problèmes de pollution parce que il y a pas de vent. Il y a pas de vent pour évacuer l'air. Les nègres. Et très souvent, à Grenoble, tu peux voir carrément des nuages de pollution qui n'existent quasiment nulle part en France. C'est un peu un cas particulier. Mais ça fait très très longtemps qu'il y a ces problèmes. Et d'ailleurs, c'est même moins pire aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc, tu veux me dire que les nègres respirent mieux maintenant à Grenoble, c'est ça que tu veux me dire? Oui, c'est ça. On prend soin de leur Très poumon. Heureux. Le bien-être des nègres... Voilà, c'est important de savoir mesurer le progrès. Alors, messieurs, je vous donne un exemple concret. On a parlé des hôpitaux, hein, comment dire, Pierrot était là, à l'affût, présent, et nous a fait part de cette affaire-là. Alors, je vous donne un article sur le sujet. C'est France Info. Parce que la CGT, donc on a parlé du théâtre d'ombre, hein, de tout ça, de cette opposition fictive entre finalement les syndicats autorisés à manifester et le gouvernement. Alors, l'hôpital de Dax porte plainte après une coupure d'électricité volontaire de la CGT le 14 décembre. Ça remonte à quelques jours, mais c'est quand même très récent. L'hôpital de Dax, dans les Landes, a porté plainte pour une mise en danger de la vie d'autrui après une coupure d'électricité volontaire provoquée par la CGT, a appris mardi 26 décembre, 16 décembre, France Bleu, Gascogne. Le 14 décembre, la CGT avait appelé les salariés des industries électriques et gazières, soit 160 entreprises et près de 142 000 salariés, à une journée d'action pour la hausse du pouvoir d'achat. Au total, 13 000 foyers de Dax et Saint-Paul-les-Dax avaient été privés de courant. Ces coupures avaient perturbé le pôle gériatrique du centre hospitalier de Dax, regroupant 400 patients. Si le groupe électrogène a pu prendre le relais des batteries des appareils vitaux au bout d'un quart d'heure, la coupure d'électricité avait obligé le personnel de l'hôpital à préparer le transfert d'urgence de certains patients. La direction de l'hôpital parle d'une coupure qui n'est pas admissible et qui aurait pu mettre en péril la santé de certains patients. Dès le lendemain de l'action de la CGT, le fournisseur Enedis avait déjà porté plainte pour acte de malveillance. De leur côté, 11 commerçants de Saint-Paul-les-Dax ont formé un collectif et reverront leurs avocats en janvier pour concrétiser une plainte. La brigade de sûreté du commissariat de Dax est chargée de l'enquête sur cette coupure et cherche à identifier les auteurs. Alors messieurs, j'ai su par ailleurs que dans le nord de la France aussi, qui est le Nord-Pas-de-Calais, hein, territoire où le mur de Berlin n'est pas tombé, n'est-ce pas, toujours sous la férule communiste, d'ailleurs sous la supervision hein, du tandem Martine Aubry, Jack Daniels et Xavier Bertrand, ce territoire a aussi connu des coupures d'électricité dans les centres hospitaliers, les cliniques, etc. La CGT voulait faire passer un message en tuant des gens sous appareil respiratoire. C'est une conception. Le système de santé français a besoin de ressources pour prendre en compte les boomers qui arrivent. Quoi. Ces gens-là ont beaucoup mangé, ont mangé très sucré, souvent du diabète. Hein, donc, ils ont souvent pris en charge. Ah, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire que c'est le boomerang, c'est ça que tu veux dire ? Ah non, moi, je pense que les boomers, avant de partir à la retraite, de ne plus être à capacité de nuisance, en tout cas au niveau de la grève. Mmh. Je pense qu'ils ont voulu tuer les plus anciens, les vieux, dans les hôpitaux. Pour avoir plus de gâteaux, ah, c'est ça oui, tu veux dire en mode Al-Qaïda, kamikaze. Je pense que ah oui, non, pas kamikaze, ils ont voulu tuer. Kamikaze, il se tue au milieu, le boomer cégétiste, non. Il veut tuer les plus vieux. Parce que c'est plus vieux. Ah bon, je sais pas, j'ai vu dernièrement que la dernière année de vie d'une personne, ça, en général, ça a coûté 20 000 euros à la Sécu, tu vois. Donc, ils se sont dit, ah ouais, voilà, on va faire des économies de tuer des vieux. Oui, oui. C'est pas possible, ça. Hein. Ah, non, mais là, par contre, sans faux humour, etc., je sais que c'est difficile à titre humain. Hein. Je dis pas que c'est facile quand on a des proches, etc., mais il y a un vrai problème qui va se poser, je pense, et la réponse viendra d'elle-même. En toute évidence, la collectivité. Alors, deux choses. Hein. La collectivité va pas pouvoir prendre en charge, comme tu dis, la dernière année de vie à 20 000 euros pour des gens qui sont mourants. C'est difficile humainement. Parce que c'est un grand-père, c'est un père, un frère, c'est tout à fait entendu. Mais on n'a pas les moyens. Deuxième chose. C'est ce que nous coûtent les parasites ratios. Pour moi, là, on commence progressivement. La scolarité d'un nègre. C'est ça. Non, on commence à toucher du doigt ce que nous essayons collectivement, hein, c'est pas nous à Démocratie Participative dans notre émission, c'est nous collectivement, notre mouvement d'idées, c'est-à-dire depuis 50 ans d'opposition à l'immigration du tiers-monde, c'est ce qu'on est en train de pointer du doigt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un arbitrage. Qui passe d'abord ? Les autres ou les nôtres ? C'est la vraie question, quoi. Quand on est dans une période d'affluence économique, etc., où on peut se permettre du gaspillage, ma foi, on peut se permettre de faire semblant de verser dans l'humanitaire, si vous voulez, hein, l'empathie à bon marché, quoi, donc qui est le commerce de la gauche. Mais maintenant, là, on rentre dans le dur. Il va falloir que, c'est-à-dire qu'en gros, soit on nourrit davantage de nègres, d'accord, qui veulent nous voir crever, davantage d'Algériens, davantage d'Afghans, de Pakistanais, de Gitans, toute cette lie raciale, soit on se soucie des gens de notre propre sang, des gens de notre famille, vous voyez, une grand-mère avec laquelle on a partagé peut-être beaucoup de choses, une mère, une sœur, etc. Là, on touche à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on touche pratiquement, on touche à la vie. Et pour moi, vous voyez, derrière ces histoires de chiffres, qui sont des histoires barbares, hein, on arrive au nœud gordien. Et moi, je veux que les Français sortent de leur connerie crasse, y compris par le moyen de la douleur personnelle, pour commencer à comprendre les choses. J'ai un adage, hein, personnel, c'est que la douleur est la grande éducatrice. C'est la grande éducatrice, la douleur. La douleur éduque les gens. Ce n'est pas un malheur, la douleur. La douleur apprend aux gens beaucoup de choses. Et je crois qu'on y arrive, voyez. Et c'est très agréable, voyez. C'est comme le moment arrive où il va falloir aller chez le dentiste. Vous savez, c'est très désagréable, d'accord. Vous avez mal à la dent, mais en même temps, vous savez que vous allez douiller, hein, sous la fraise. Mais vous savez aussi, et c'est le côté ambivalent, que après la fraise, ça va aller mieux. Et vous êtes dans une attitude attentiste. Je crois qu'on y est. Et actuellement, là, quand on regarde les chiffres, on a un nombre de vieux qui gonfle. On est au bord de la mort raciale du peuple français. C'est vrai en Allemagne. Le peuple allemand est au bord de la mort raciale. C'est vrai de tous les peuples occidentaux. Donc on est au bord de la mort raciale. Des millénaires d'histoire sur le point d'être foutus aux chiottes. Bon. Pourquoi ? Parce qu'on a des idées en tête très arrêtées, qui nous paraissent comme être des dieux terrifiants, très exigeants, voilà, des dieux de charité. Voilà. Ces dieux-là exigeraient, dit-on, hein, exigeraient que nous soyons généreux avec des nègres, ingrats et feignants, hein, bien sûr, avec des Algériens haineux comme pas permis, et avec toutes les sous-races de la Terre. Voilà. Et on devrait ne pas tenir trop compte de ce que va vivre notre propre peuple. Là, il va falloir corriger massivement. Donc c'est ce que je veux dire quand je parle du dentiste. Il va falloir aller chez le dentiste. Et il y a une dent qui va devoir être arrachée. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Faut pas rêver, hein. Ça va faire mal. Mais ça ira mieux après. Et je crois qu'il va falloir prendre son courage à deux mains. Cette dent, ce sera les boomers, du coup. Plusieurs dents. Il y a des boomers qui ont travaillé très dur. Il y en a. Il y a des gens qui ont travaillé très dur, qui ont créé des choses, qui ont fait des familles, enfin, je veux dire, qui ont respecté le contrat. C'est ça que je veux dire. Mais derrière, t'as toute une génération de boomers qui a rien branlé, qui a tout foutu en l'air, qui a sciemment... voilà, et qui en est encore, d'ailleurs, à cracher sa bile, quoi. Hein. Et puis derrière, on a les métèques. Donc, malheureusement, je crois qu'on peut pas faire l'économie du tragique et on peut pas faire l'économie du destin. Voilà, on y arrive, vous voyez. Ça devient de plus en plus merdique. Vous voyez, les gouvernements sont mal à l'aise, ils sont là, ils savent pas trop comment dire le truc, voilà, bon. Macron, il a gagné quelques années, là. En fait, parce que qu'est-ce qu'il fait, Macron ? Et c'est ça tout le cancer de la démocratie. Ensuite, je vous donne la parole, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait Macron ? Bah, il joue sa prochaine réélection, d'accord ? Donc, on voit que le court terme prend le pas sur le long terme et sur la sagesse, en fait. D'accord ? Donc, Macron, il dit, bon, allez, plus rien à branler, de toute façon. Macron ne fait que gagner du temps. Voilà, là, j'ai cramé le pognon avec les gilets jaunes. Bon, d'accord, allez, c'est bon. Voilà, plus rien à branler. 2022, le cap sur 2022, je peux pas me foutre totalement à dos les retraités. Et il dit, voilà, mais rassurez-vous, la réforme, c'est 1975. Bon, il y a pas une date bien confortable. Quoi. Non, en plus, le truc, c'est d'abord, c'est une déclaration de guerre générationnelle. Il n'y a pas plus clair, quoi. Une déclaration de guerre générationnelle, c'est clair, c'est net, il n'y a pas d'ambiguïté. Et en plus, ça n'est pas immédiat. C'est-à-dire que tu as affaire à des dirigeants politiques qui savent que leur inconséquence personnelle, leur manque de courage total, n'aura d'impact théorique que dans des années et des années, d'après eux. Donc les types, c'est vraiment, voilà, après moi le déluge. Là, ça va venir rapidement. Et voilà, vraiment. C'est le truc. C'est-à-dire que c'est pensé comme ça. Et là, les gars, la prochaine décennie, c'est la fin de la prochaine décennie, c'est 2030. Hein. Ça va venir très vite. Pour moi, le système va se démanteler de 2020 à 2030. Le système va se démanteler. C'est là qu'on va vraiment le voir. On y est. Déjà. Je pense qu'on était sur une forme de plateau qui fait que globalement, on a quand même du pognon qui est très facile en ce moment. Et en fait, le pognon va pas être facile très longtemps, parce que bon, à un moment donné, il y a une partie de ce pognon qui va disparaître. Et là, après, une fois que le pognon qui a été accumulé commencera à disparaître parce qu'il ne repose sur rien, là, effectivement, on va devoir commencer à tailler dans le gras. Et les gens qui pensent que l'État français a mené une politique d'austérité n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien capté. Ah oui, c'est sûr. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont peut-être 30 ans, 40 ans, qui espèrent pouvoir hériter. Quelle mauvaise idée vous avez, messieurs. Ça, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le gouvernement va bien trouver un moyen de nous inventer la taxe d'hérite. À 90%, je pense. Oh, 90%. Allez, 10%. Et dites merci à l'État. Hein ? Ça vous tente, ça ? Les droits d'héritage ? On vous laisse 10%. Je pense qu'on y arrive, hein. Je pense qu'on va y arriver. On est déjà plus ou moins dans le scénario que tu es en train de décrire. Bah, bien sûr. Le que tu es en train de dire. Mais alors l'immobilier, ça c'est bien. Ça, c'est les nouveaux boulets pour les esclaves. C'est-à-dire. Monsieur, désolé pour votre perte, bien sûr. Toutes mes condoléances. Vous avez hérité d'une maison. Voilà. Alors, par contre, vous avez des impôts sur cette maison. Voilà. Alors là, tu découvres, en fait. Que tu dois. T'as rien gagné, en fait, tu payes plus. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'est, tu vas cracher plus au bassinet. C'est-à-dire que les boomers. Imagine, en dernière instance, c'est quand les boomers vont claquer, ok. Et que vous êtes censé, en fait, finalement, toucher ce qui reste, ok. Vous allez rien gratter. L'État va tout bouffer. Il va tout bouffer. Pour nourrir qui ? Les nègres. L'Algérie. Fatalement. Tout pour l'Algérie, ma chérie. L'Algérie, tout. Oh, les nègres aussi, pas que les Algériens. C'est vrai. Le nègre est gourmand. Permets-moi quand même, mon cher Dolph, parce que c'est bientôt Noël, de te rappeler que nous avons fait très récemment, il y a quelques jours, hein, je crois que c'était hier, un magnifique cadeau de Noël à nos compatriotes ivoiriens, parce qu'en fait maintenant, ivoiriens, français, tout ça, c'est surfait ça. On leur a filé 850 000 euros, voilà, nos impôts, hein, Macron a filé 850 000 euros aux ivoiriens pour qu'ils construisent un énorme centre sportif. Voilà. Sachez que vos impôts, alors, voilà, oui, ils sont bien utilisés. On va en parler, mais ce n'est qu'un de la quelques dizaines de sites sur lesquels la France est engagée. Ah bon, ça va. Me voici rassuré. Voilà. Non, mais c'est important de permettre quand même aux nègres de Côte d'Ivoire de jouer au basket. Ah oui, et puis en plus, c'est tellement rare. Ouais. Il n'y a peut-être pas assez de nègres en équipe de France. C'est productif. C'est productif. On a parlé de la productivité des nègres au Gabon. Attends, mais ces gens-là sont les futurs start-upers dans la nation. Non, mais voilà, c'est franchement. Attends. Mais les mecs. Franchement. C'est les politiciens, c'est les seuls gens. Ils peuvent prendre le pognon des autres et en faire ce qu'ils veulent, ne pas répondre de ce qu'ils font. Quand on y réfléchit, c'est. Et mais les Français, ils s'en branlent, hein. Bah, c'est pas l'heure, écoute. Non, mais les Français, à un moment donné aussi, il y a une responsabilité. Les Français, ils s'en branlent. Pourquoi ils s'en branlent? C'est parce qu'en fait, de leur côté, ils se disent, ouais, mais j'arrive quand même à gratter un truc. Bah ouais, voilà. C'est parce que tu récupères. Voilà. C'est pour ça que c'est dur de faire des réformes dans ce pays. Voilà. Ouais. C'est pour ça que ce pays n'est pas réformable, parce que tout le monde finit par toucher un petit truc. Voilà, c'est ça, c'est ça. T'as un effet d'inertie. La France, voilà. C'est le parce pays que de la aussi. Combine. Tout le monde a sa combine pour toucher du fric, c'est et ça. Faire son truc. Et bon à mal, on arrive à s'arranger. Les types, enfin, les seuls types qui râlent, ça va être les indépendants, ou le type qui sont honnêtes et qui sont pas dans la tambouille. Oui, donc la partie biologiquement supérieure. Mais ça va même au-delà de ça, parce que t'as plein de droitards qui vivent avec les marchés publics. Tu vois, bien sûr, au-delà de ça. Oui. C'est très ancré. C'est au fond du. Enfin, désolé, hein. Moi, je pense que le peuple français est. C'est un peu la matrice du communisme. Parce que l'histoire de France, c'est l'histoire de l'État et c'est l'histoire des impôts. Bah oui. Mais c'est très très profond. La France s'est constituée comme ça. Et quand t'apprends un peu l'histoire de France de façon un peu poussée, tu apprends l'histoire des impôts. Et l'histoire du communisme aussi. Ça, c'est assez improbable, mais. Mais c'est vrai. Et ça a été des années. Enfin, parce que les Français, quand même, sont de temps en temps un petit peu rebellés. Et ça a été des années de domestication. Et en fait, les Français sont un peuple qui est très très domestiqué à l'impôt. Et bon, je vais faire l'éloge du nègre et l'éloge des Arabes. Oui. Mais oui, parce que quelque part, ils ont quelque part leur propre système de répartition. Ça s'appelle le cannibalisme. Tu vois? Enfin, ils s'autorégulent entre eux. Français, pas forcément capables. Mais même pour le système de répartition, je veux dire, quand un bamboula ou un métèque envoie de l'argent à sa famille, bah il prend soin des siens. Et tu peux pas lui en vouloir pour ça. Faut être complètement cinglé pour croire que les nouveaux arrivants qui sont dans des boulots qui sont quand même très peu qualifiés, et qui en plus ont été détaxés ces dernières années pour justement faciliter le maintien des politiques du welfare state, ça, faut être fou pour penser que ces gens vont contribuer à l'entretien d'un peuple qui est en train de crever et qui n'est pas le sien. Mais qui est pas l'heure, bien sûr. Mais il faut être complètement cinglé pour penser ça. Ces gens n'ont aucun intérêt à maintenir en vie les boomers français, ils ne le feront pas, et ils ont raison de le faire. Voilà, c'est tout. Solidarité raciale, c'est-à-dire que ces gens n'ont aucune solidarité raciale vis-à-vis des vieux blancs qui ont misé tout sur l'immigration. Voilà, le réel, une nouvelle fois, se repointe, quoi. Mais c'est, je crois que là, les 10 ans, 15 ans qui viennent vont être, pour moi, ça va être les années les plus pédagogiques de toute l'histoire de France, pratiquement, en tout cas parmi les plus pédagogiques, parce qu'on va tout réapprendre. On va tout réapprendre, sur tous les sujets. On va tout réapprendre. Et toute l'Europe va réapprendre. L'Europe de l'Ouest. Oui, de l'Ouest. De l'Est, ils ont pas ce problème. Ils ont un problème démographique très grave, mais ils n'ont pas monté ce système social où on promet tout gratuitement et où on fait venir des nègres. Pour le moment, on verra de quoi le futur sera fait. Mais dans l'Ouest, c'est dramatique parce qu'on a créé un gigantesque Kosovo simplement pour payer des retraites. Il faut comprendre ça. Et je crois que les jeunes, quand ils vont commencer, surtout les très jeunes, parce que j'ai déjà dit ça ici, mais moi c'est les très jeunes qui ça me fait très peur pour les très jeunes blancs, parce que les très jeunes blancs finalement ils n'ont pas d'avocat. Donc ici on essaye un peu de l'être, quoi. Parce que en fait tout ce système, vous savez, CNN vient nous cracher dessus, ok, ils viennent nous cracher. Écoutez, CNN c'est quoi? C'est une chaîne qui est entre les mains du deep state américain, enfin genre la CIA, les milliardaires, ça, eux ils ont leur propre. Ce qui nous anime, nous, ici, avec nos trois bouts de ficelle, c'est comment nos petits blancs de 18-20 ans, ils vont réussir à survivre dans la jungle qu'ont créé ces enculés de boomers, ces enculés de communistes, ces sales juifs, depuis 50 ans. Moi, c'est ça, ma question. C'est pas une question personnelle, c'est une question... C'est pour eux. Donc, comment cette nouvelle génération, qui a pas d'avocat, qui a pas de réseau, qui n'entrera politiquement sur la scène que beaucoup trop tard. Parce que tous les arbitrages, ils auront été faits bien avant, au cours des élections précédentes, etc. Qui va les défendre, ces jeunes-là? Vous voyez, c'est ça dont on parle, en fait. Quand on parle de démographie, quand on parle de faillite financière, quand on parle de basculement racial, quand on parle des vieux, etc. C'est ça. Moi, ce qui m'obsède, c'est comment faire en sorte que ces jeunes-là, ils aient un futur, ils aient un avenir. C'est pas pour moi, je m'en fous, moi, pour moi. Moi, c'est, l'affaire, elle est entendue pour moi. Donc, comment ces jeunes, on va les sauver? Vous voyez? C'est ce que c'est le rôle. C'est le rôle de toute personne qui se sent concernée par l'avenir de son peuple. C'est de s'intéresser aux jeunes générations. C'est tout repose là-dessus. Et, on n'a pas la partie facile. On n'a pas la partie facile parce que ils ont tout l'appareil d'État. Ils ont tout l'appareil médiatique. Ils ont tout l'appareil financier. Ils ont les assurances vie. Ils détiennent l'épargne, enfin, ils ont tout. Mais ce qui compte, c'est d'avoir la jeunesse. Alors vous allez me dire, ouais, mais la jeunesse, elle est salement abîmée. Elle est salement abîmée, la jeunesse. C'est vrai, elle est salement abîmée, mais elle n'a pas encore salement eu la... Salement abîmée, et puis elle est salement... Et puis elle est en voie de, de mise au banc, c'est-à-dire que la jeunesse est de plus en plus marron. Messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et joyeux Noël. Et à l'année prochaine, effectivement.